Stephen King aime les épidémies, Stephen King aime la religion, Stephen King a écrit Le Fléau et Mickey Garris l'a adapté. Et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis une nouvelle fois avec Chris, bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien et toi ? Oui, pour cette heure tardive d'enregistrement. Effectivement, nous enregistrons tard aujourd'hui vu qu'il est 20h passé. Et nous allons aujourd'hui parler du Fléau, donc le livre de Stephen King publié en 1978, et la mini-série réalisée par Mick Garris, diffusée du 8 au 12 mai 1994 en 4 parties d'une heure et demie chacune. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Alors comme d'habitude, nous allons pas mal spoiler le livre et le film, donc si vous ne voulez pas qu'on vous dévoile des éléments essentiels de l'intrigue, arrêtez votre écoute, prenez le temps de le lire, prenez le temps de regarder le téléfilm éventuellement, et puis revenez nous voir d'ici 2 mois. 6 heures pour le téléfilm, et pour le livre, selon votre... Ouais, votre résistance surtout. Ah, votre rapidité de lecture. Allez, c'est parti. Le Fléau, ça commence par un bug informatique dans un laboratoire de l'armée qui fait s'échapper un virus extrêmement dangereux, qui se communique à 99,8% de la population et qui est assurément mortel. Il y a une poignée de gens qui sont automatiquement résistants et qui vont former les seuls survivants de cette épidémie qui a priori décime le monde. Et donc on suit cette poignée de résistants qui voient le monde s'effondrer autour d'eux et qui ensuite vont essayer de le reconstituer en fondant principalement 2 groupes. Donc le groupe du bien mené par une vieille noire de 108 ans, messagère de Dieu qui s'appelle Mère Abigail, et le groupe du mal mené par Randall Flagg, une sorte de démon qui semble revenir régulièrement sur la Terre. Le Fléau est le 4e livre de Stephen King, donc il vient après Shining. King voulait au départ écrire un livre sur l'affaire Patty Hearst, qui était une étudiante américaine de 19 ans, une riche héritière de banquier, je crois, qui s'était fait enlever par la SLA, donc une sorte de groupuscule extrémiste de gauche qui avait fait plusieurs attentats. Et elle avait été libérée plus tard, mais elle s'était, à cause d'un syndrome de Stockholm plus ou moins, fait endoctriner par ses ravisseurs. Et ça avait fait pas mal parler comme affaire, et King voulait essayer d'écrire quelque chose à ce sujet-là. Déjà, quand t'es banquier et que tu te retrouves avec ta fille qui est de gauche, du coup, tout d'un coup, ça pose problème. Oui, en plus, apparemment, une affaire bien glauque, parce qu'elle avait pas du tout été traitée de manière tendre par ses ravisseurs. Ça avait été très violent, et pourtant, elle s'était remise de leur côté. Mais il patine sur ce livre-là, il n'arrive pas à avancer. Pardon. Merci, Chris. On va mettre ça sur le compte de l'heure tardive. C'est ça. Donc il patine à écrire ce livre, il n'arrive pas à trouver un angle d'attaque qui lui convienne, et entre-temps il entend parler de plusieurs choses, donc déjà d'une fuite de culture virale dans l'Utah, que le gouvernement essaie d'étouffer en disant « c'est pas grave », mais les experts apparemment avaient dit que si le vent avait soufflé dans une autre direction, ça aurait été grave. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl, lol. Ouais, c'est un peu exactement la même histoire. Et il avait entendu aussi une phrase à la radio, probablement en écoutant une sorte de sermon, la phrase étant « Une fois par génération, la peste descendra parmi eux ». Donc ça l'a mis sur la route du fléau, donc une peste qui décime la majorité de l'humanité à cause d'une fuite de culture. Et un des membres de la SLA, Donald DeFries, je sais pas comment ça se prononce, a pas mal inspiré le personnage de Flagg, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses sur Randall Flagg, comme quoi il aurait participé à des groupuscules révolutionnaires pour détourner leurs propos et pour les transformer en groupes de destruction. L'écriture du premier jet a pris très longtemps à King, 16 mois, c'est le plus long temps qu'il ait passé sur un livre. Peut-être Dôme mis à part, parce qu'il a passé très longtemps sur Dôme aussi, et la préface qu'il a écrite date d'avant. Il dit qu'il a été surtout à un bon moment bloqué aux alentours de 500 pages de manuscrits, donc la première version était assez courte, quand les deux groupes étaient en train de se reconstruire, donc un à Boulder, la zone libre, et l'autre à Las Vegas, et il savait pas où ça allait, il savait pas comment avancer, comment amener son livre vers une conclusion. Et finalement, il a fini par avoir une sorte de révélation avec l'idée de la bombe qui explose dans le placard de Nick Andros, et qui effectivement relance l'intrigue et envoie une poignée de personnages sur la route de Vegas pour le grand final. Envoyé au gaspillage. Oui, c'est exactement ça. Alors lui, il trouve que c'est une très bonne idée, il en est encore très content aujourd'hui. On y reviendra, moi j'en suis pas si sûr. Effectivement. Voilà, on est d'accord là-dessus. Voilà. Le Fléau, ce sera le dernier livre de King publié par Doubleday, donc avant Cimetière, quelques années plus tard, à cause de cette histoire de contrat dont on a déjà parlé dans notre premier épisode. Et c'est toujours Bill Thompson, qui était aussi sur le point de quitter Doubleday, qui s'occupe du travail éditorial. King voulait pas travailler avec quelqu'un d'autre, et Bill Thompson, en fait, l'a fait alors qu'il devait vraiment partir. Et lui-même dit qu'il s'est peut-être pas autant impliqué sur Le Fléau que sur les autres livres de King qu'il a édités parce qu'il était pressé de se barrer. Oui, forcément, oui. Une fois le travail éditorial terminé, le service commercial de Doubleday avertit King et Thompson que le livre est trop long et que les frais de reliure seraient trop élevés pour un aussi gros roman. Ils craignaient de devoir le vendre à 13,98$, je crois, ce qui à l'époque était très cher, mais vu aujourd'hui ça paraît assez ridicule, effectivement. Et ça aurait, selon eux, empêché le livre de bien se vendre, de devoir le vendre trop cher. Donc il demande à Bill Thompson de faire des coupes, environ 400 pages dans le manuscrit, et King décide de s'en occuper lui-même, histoire de superviser ce qui allait sauter de son roman. Il se dit, quitte à amputer mon roman, autant que je le fasse moi-même, oui, pour que les dégâts soient les moins conséquents possibles. Oui, surtout garder un regard sur son œuvre. Oui, voilà. Donc la première édition est publiée en 1978, c'est celle de Doubleday, l'intrigue se passe en 1980 et le tirage est fait à 70 000 exemplaires. La version poche est éditée en 1980, l'intrigue est déplacée en 1985, mais c'est apparemment le seul changement, même si Bill Thompson suspecte qu'il y a eu des coupes additionnelles pour la version poche. Mais ça, il est pas allé vérifier, et moi non plus, pour être honnête. Moi non plus. Déjà parce que c'est à peu près introuvable des premières éditions du Fléau. Plus tard, une fois qu'il est devenu vraiment célèbre et qu'il a été bien installé dans le milieu de la littérature, que ses livres se vendaient à des milliers et des milliers d'exemplaires, quoi qu'il écrive, King a pu recontacter Doubleday pour reprendre Le Fléau et pour l'éditer dans sa version complète. C'était un livre très apprécié, pour certains c'était même le livre préféré de King, encore vers 1990, et donc il édite une version intégrale. Alors, il conserve, d'après ce qu'il dit, certaines coupes, parce que même lui, a posteriori, s'est dit « Non, ça, c'était vraiment pas très bien, je vais le laisser couper. » Il en profite aussi pour mettre à jour les références culturelles. Il déplace l'intrigue à pendant les années 90, parce qu'évidemment, c'est pour que ce soit toujours dans un contexte futuriste. Et le tirage est cette fois-ci de 400 000 exemplaires pour la première édition de la version complète. Parmi les passages rétablis, on peut signaler, alors j'ai trouvé des listes sur internet, mais j'ai pas pu faire les vérifications moi-même, encore une fois, mais le premier chapitre sur la fuite d'une famille du centre épidémique, ça c'était pas dans la version initiale, alors que je trouve ce chapitre plutôt pas mal. La dispute entre Fran et sa mère au début du livre était aussi coupée dans la version initiale, alors que c'est à peu près le seul truc qui développe le personnage de Fran, qui en dehors de ça sert juste à être enceinte. C'est ça. Plusieurs chapitres globaux sur l'effondrement des États-Unis et sur l'armée qui peu à peu part complètement en couille étaient aussi coupé dans la version de base. Ce qui est dommage, parce que ça aussi c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est globalement certains des meilleurs chapitres du livre, ouais. Une scène de tornade avec Nick et Tom Cullen, donc Nick c'est un sourd-muet, et Tom Cullen c'est un léger handicapé mental, et il se réfugie dans une grange pour échapper à une tornade, et la scène développait bien leur relation, mais ok, elle est dispensable, objectivement. Oh, c'est quand même le chapitre qui sert à les unir, vraiment. Oui, mais c'est un beau chapitre, mais je comprends qu'il puisse sauter. Oui. L'opération de l'appendicite d'un des survivants, bon ça je trouve la scène assez forte, mais pareil, c'est totalement dispensable. La pointe clairement, elle développe pas tant que ça les personnages. La majeure partie du chapitre sur le voyage de la poubelle vers Las Vegas, notamment tout ce qui concerne le personnage du Kid. Bon, King, ça semble être le rajout dont il est le plus content, parce que c'est le plus gros, c'était vraiment une très grosse coupe. Honnêtement, moi je m'en serais bien passé. Et le tout dernier chapitre avec le retour de Randall Flagg n'était pas non plus dans la première version, et effectivement ça rappelle aussi le Randall Flagg tel qu'il peut apparaître dans La Tour Sombre et dans d'autres livres de King, donc c'est peut-être pour ça qu'il a été rajouté qu'après coup. Puis en l'occurrence on parle d'un micro-chapitre qui doit faire 4 pages, 5 pages, pas plus. Ouais, c'est ça. Tout petit. King, c'est un livre dont il reste très fan, il trouve qu'il a une conclusion assez optimiste, parce que oui, l'humanité est détruite en grande partie, mais la grippe élimine aussi tous les problèmes qu'il pouvait y avoir à l'époque, donc la peur du nucléaire, la pauvreté, les inégalités sociales, et en fait c'est un moyen pour se libérer des problèmes des générations précédentes, et pour se concentrer sur une meilleure philosophie de vie, une vie plus naturelle, plus simple, plus concentrée sur Dieu, c'est aussi un des thèmes importants du livre. Tel que le dit King, Dieu, les miracles, la magie et les prophéties, il dit ça dans l'écriture. Bon, reste que tout ça reste assez incertain et qu'il y a toujours la menace du retour des anciens problèmes, notamment le personnage de Glenn parle énormément de ça dans les différentes réunions du groupe à Boulder. King préfère le roman dans sa version complète, et son avis précis semble avoir évolué, parce que dans les années 90, il disait qu'il considérait pas que c'était un de ses meilleurs livres. Au moment de la réédition de la version longue, d'ailleurs, il disait qu'il aimait bien ce livre-là, mais que pour lui, c'était pas un de ses meilleurs. Par contre, dans une interview de cette année, il dit que ce serait un de ses trois livres qu'il sauverait si on devait brûler tous les livres des États-Unis, les deux autres étant Misery et Histoire de Lisée. D'accord. J'ai pas lu Histoire de Lisée. Moi non plus, mais... Misery... Ouais, on est d'accord. On va pas spoiler notre avis, mais clairement, il sera en haut de la liste. Très clairement, oui. Enfin, il sera dans le haut. Bill Thompson, lui, est un peu plus réservé. Il dit que c'est pas son livre favori de King. Bon, ça joue peut-être, le contexte dans lequel il l'a édité joue peut-être. Mais il le trouve trop long et trouve l'explosion atomique à la fin trop facile pour spoiler. Résoudre toute l'intrigue. Spoiler alert, nous aussi. Putain, oui. C'est peu de le nier. La critique de l'époque est pas mal divisée. Certains parlent du meilleur livre de King jusqu'alors, donc je rappelle que jusqu'alors il y avait eu publié Shining, Salem et Carrie. On était qu'à son quatrième roman. Oui. Tandis que d'autres soulignent déjà l'aspect bavard du roman, et certains le trouvent même prétentieux dans sa morale. Évidemment, ces deux critiques vont beaucoup s'intensifier avec la version longue. Oui, voilà. C'est-à-dire les gens se plaignaient déjà alors que la version n'était pas encore intégrale. C'est ça. Et il est nommé pour le World Fantasy Award du meilleur roman en 1979, mais il ne le recevra pas. Par contre, dans une liste faite par je ne sais plus quel journal des 200 meilleurs romans anglo-saxons dans la presse britannique, Le Fléau arrivait 53e, je crois. D'accord. C'était le premier livre de King de la liste. D'accord. Beaucoup de lecteurs semblaient, au moins à la fin des années 90, le considérer comme un des meilleurs livres, si ce n'est le meilleur livre de King. J'ai pas réussi à trouver d'informations globales actuelles sur est-ce que ça a évolué, cet avis-là. Et King dit à ce sujet dans Écriture... Il y a quelque chose d'un peu déprimant à se dire, devant une opinion aussi unanime, qu'on a écrit son meilleur livre il y a 20 ans. Mais je n'ai pas trop envie d'en parler. Merci. Pour resituer Écriture, il l'a écrit, il l'a terminé après son accident, donc ça date de tout début 2000. Oui. Donc quasiment 20 ans, plus de 20 ans après l'écriture du Fléau. Alors sur internet, on trouve des débats assez intéressants sur quelle version est la meilleure, entre la courte et la longue, et je pensais que à peu près tout le monde serait en faveur de la longue, et en fait, non, c'est assez divisé. D'accord. C'est assez intéressant à lire, je mettrai peut-être le lien dans la description, parce que c'est vachement intéressant les débats là-dessus. J'ai passé une heure à lire ça. C'est comme les débats sur version remaster ou pas pour Star Wars, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Un peu le même genre de débat. Mais il y a des bons arguments des deux côtés. Comme pour Star Wars. Comme pour Star Wars. Et donc, il est temps, je pense, de passer à notre avis. Ah. Chris, à toi l'honneur. Alors, le fléau. Gros morceau qu'est le fléau. Déjà, on peut comprendre qu'à l'époque, le roman a eu un impact, parce que c'est quand même assez audacieux d'avoir écrit vraiment ce gros roman, roman au long cours. Après seulement trois romans moindres. Oui. Shining faisait peut-être 500 pages à l'époque. Shining est déjà un peu long quand même. Shining était quand même un peu gros, ouais. Mais c'est peut-être du coup l'une des premières fois où King a pu se lâcher en termes d'écriture de personnages. Oui. Il y en a énormément. Et c'est clairement pas l'un des soucis du fléau. Parce que pour la majorité, ils sont plutôt bien écrits. Oui, on y reviendra, il y a quand même des exceptions. On y reviendra. Majoritairement, tous les bons personnages apparaissent dès le tome 1. Il y a un petit souci dans le tome 2. En fait, on va pas tomber autour du pot. Le tome 1, j'ai beaucoup aimé ma lecture du tome 1, mis à part quelques chapitres. Le tome 2, c'était beaucoup moins bon. Dans les qualités du tome 1, on va donc citer les personnages, beaucoup de personnages de la zone libre. Stu, qui est un excellent personnage. Nick, qui est personnellement l'un de mes personnages préférés. Ouais. Larry, pour moi, pour ma part, j'aime beaucoup Larry. Larry, c'est celui qui a le meilleur développement. Vraiment. Parce que on voit... Au début, c'est vraiment un connard, on va utiliser le terme. Et vraiment, il évolue au fur et à mesure du roman pour s'adoucir et vraiment pour devenir quelqu'un d'humain à la fin. Ouais, alors pour resituer Larry, pour ceux qui n'auraient pas lu, c'est un jeune chanteur qui vient de connaître un succès fulgurant avec un de ses titres, et donc il est passé par la phase drogue à fond, je dépense mon argent, j'ai des dettes partout. Il est obligé de fuir la côte... Est, je crois, ouais. Et de se réfugier sur la côte ouest chez sa mère à qui il tape de l'argent. On sent déjà qu'à l'époque il s'en veut, qu'il comprend qu'il part en couille, mais il n'arrive pas à faire autrement. Et effectivement, l'épidémie, ça va être l'occasion pour lui de devenir un héros en étant toujours poussé par cette culpabilité qui le ronge vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ce qu'il a fait sur la côte est, vis-à-vis de Rita aussi, une femme qu'il laisse mourir. C'est pas vraiment de sa faute, mais il va beaucoup s'en accuser aussi. Oui. Tout son parcours, de toute façon, est super intéressant. Que ce soit donc ce qu'il arrive à sa mère, la rencontre avec Rita, quand ils décident de quitter la ville tous les deux, la traversée du tunnel, qui est l'une des meilleures scènes du premier tome, qui est une scène qui fonctionne vraiment bien. La mort de Rita, puis ensuite bah, la rencontre avec Nadine. Oui, et puis avec Joe, un enfant sauvage au début et qui va s'adoucir en grande partie grâce au contact avec Larry. C'est ça, grâce à la musique. Oui. Aussi beaucoup, parce que Larry lui fait tourner sa guitare. C'est vraiment l'un des meilleurs personnages, avec Nick pour moi, ouais. du roman, du fléau. Nick, qui est intéressant parce que c'est celui qui a été adouci, il dit lui-même que dans son passé, il a été frustré, il a été furieux à cause de son handicap, il est sourd-muet, et qu'il arrivait à rien apprendre, et qu'il a rencontré quelqu'un d'extrêmement gentil, qu'il a poussé sur une route de la connaissance et sur une route de la bienveillance. Alors, ça paraît un peu cuculi comme ça, mais c'est un personnage qui, je trouve, marche très bien, c'est peut-être le plus pur des personnages malgré l'épidémie. Et il est vachement bien aussi dans sa relation avec Tom. Donc Nick, ne pouvant communiquer que par signe ou que en écrivant, va rencontrer un personnage qui a un handicap mental et qui ne sait pas lire et qui a du mal à comprendre les signes de Nick. C'est Tom Cullen. Et leur relation est géniale, je trouve. Et ça fonctionne. Ils s'attachent l'un à l'autre. Le binôme fonctionne super bien. Oui. Tom, il est excellent aussi, je trouve. Les deux sont très bons. Stu, lui, c'est un héros classique. Ouais. C'est vraiment le héros classique de littérature, mais ça fonctionne quand même. Oui, il fonctionne vraiment bien. Mais globalement, tous les personnages plutôt gentils fonctionnent. Oui, alors, toi, je sais que t'as du mal avec Glenn parce que tu le trouves un peu cynique. Donc, c'est un professeur d'université, ancien sociologue, qui va avoir un regard assez sombre sur la reconstruction de l'humanité en disant on va recommencer les mêmes conneries. Moi, j'avoue que j'aime bien cet aspect-là de ce personnage-là. Mais après, au début, ça m'a vraiment choqué, mais après, je m'y suis fait. Hein. Mm-hmm. Il n'y a vraiment que Mère Abigail qui est trop centrée sur la religion, et moi-même, n'ayant aucun affectif avec la religion, je dois l'avouer, bah, tout son propos me passe un petit peu par-dessus la tête. Ouais, bah ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur le message du livre. Le souci, c'est que Mère Abigail, c'est pas vraiment un personnage. Pour moi, c'est une allégorie. Une allégorie du message religieux du livre qui me dérange beaucoup. C'est en tant que perso, elle existe presque pas, en fait. Les persos féminins, pour moi, sont un problème dans le livre, parce qu'on a Mère Abigail... Sinon, on a Fran, qui a pas beaucoup d'autres caractéristiques que d'être enceinte et qui est inactive pendant tout le roman. Elle n'entreprend strictement rien du roman. C'est ça. Nadine, à part être psychopathe, elle sert pas à grand-chose. Et Rita, pareil, à part craquer. Lucie, à part être gentille, elle sert à rien. Ouais, voilà. Et Julie, à part être folle, elle sert à rien non plus. C'est ça. Les personnages féminins sont assez mauvais dans le fléau. Ouais, clairement. Et mais y a pas que ça. La majorité des personnages méchants sont mauvais. Oui. Mis à part Lloyd... qui je trouve a un bon développement, même dans le tome 2, il a un bon développement. Les autres personnages, c'est des caractéristiques de méchants, ils sont là pour être méchants. Oui, bah surtout la poubelle, qui est un pur psychopathe, et qui a un interminable chapitre consacré à lui, où il tombe sur encore plus psychopathe que lui, c'est insupportable. Chose qui n'est pas présente dans le téléfilm, merci. Ouais. Merci d'avoir viré The Kid, parce que, mon dieu. Lloyd, il est intéressant, en fait, dans la mesure où... Je trouve presque qu'il anticipe tous les mouvements de jeunes radicalisés qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est celui qui a pas sa place, qui se sent débile, et il y a quelqu'un qui débarque et qui lui donne une place de prestige, qui lui donne du pouvoir. Et donc, ouais, il cède, en fait. Oui, parce qu'en fait, Lloyd, il n'est pas forcément... Enfin, si, là, comme on le voit, il est méchant, mais il aurait pu être gentil, en fait. Ouais. C'est vraiment le type de personnage qui, au début, est vraiment au centre de la ligne... Et ben, il a suffi d'un qu'il se passe un truc comme ça, et hop, il a franchi du mauvais côté, quoi. C'est ce genre de personnage, et c'est peut-être parmi ceux du groupe de Flag le mieux travaillé. Flag, on en parlera quand on parlera de Mère Abigail, parce que l'un ne va pas sans l'autre, oui. Forcément. L'un des gros points forts du roman, c'est quelque chose qui est présent uniquement dans le tome 1, c'est tous les chapitres qui concernent la propagation du virus. Oui, ouais. Bah, ceux qui vont montrer... soit les citoyens d'un peu tous les États-Unis qui sont infectés, soit l'armée qui part en débâcle, qui commence à faire des massacres, qui essaie de contenir la population mais qui n'y arrive pas et qui devient de plus en plus cruel. Soit aussi un chapitre que j'aime beaucoup. Les morts stupides. Celui des morts stupides, en fait. C'est tous ceux qui ont survécu à l'épidémie, mais comme il reste plus rien, plus d'hôpitaux, plus de quoi survivre, bah, ils finissent par mourir de trucs stupides. Et c'est vrai que c'est assez logique que ça arrive dans un cas d'épidémie qui décime quasiment toute la population. Oui, ça arriverait clairement. Bah, genre ce personnage qui a une petite blessure qui aurait suffi de quelques antibios, et au final non, elle y passe. En fait, il y a plein de scènes qui vont fonctionner au cours du roman, mais la majorité de celles à laquelle j'arrive à penser sont dans le tome 1, à part les réunions du comité dans le tome 2 qui, moi, m'ont plutôt intéressé, parce qu'il y a tout le côté reconstruction de la société. Au début, je trouvais ça long, c'est ce chapitre-là sur la construction, mais au final, non, ça colle bien. Mais en fait... Ouais. Pour moi, le fléau est le plus intéressant quand il ne se concentre pas sur cette histoire de Mère Abigail et de Randall Flagg. C'est ça, parce que bon, le tome 1, pendant disons 700 pages, il se tient vraiment bien. Ouais. C'est toute la partie sur la chute et le voyage des premiers personnages, ça va, j'ai pas grand-chose à reprocher. Là où ça commence à, pour moi, partir en couille, c'est quand on a cette dualité thématique. Donc d'une part, la reconstruction de la zone libre, ça je trouve ça intéressant. Mais ce qui va prendre de plus en plus le pas, c'est la lutte entre le bien et le mal, symbolisée par Mère Abigail, qui est la messagère de Dieu, et Randall Flagg, qui est le messager du démon. Et ça, bah, ça, non seulement ça m'intéresse pas, mais en plus je trouve le message assez gênant, parce que le dieu tel que défendu par Mère Abigail, c'est un dieu qui fait des sacrifices, et on est censé accepter ses sacrifices, c'est censé être des bons sacrifices. Oui, alors que... Moi, il y a un moment, ça me gêne, quoi. Il y a plein de personnages innocents qui vont se faire sacrifier. À la fin, on a Larry, Ralph et Glenn qui vont mourir pour rien. Pareil pour les espions. C'est des envoyés de Dieu sacrifiés. Ils sont vraiment... Enfin, c'est vraiment de la chair à canon. Et oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? C'est totalement gratuit. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il y ait la vieille folle après qui vienne te dire que c'est pour la justice. Mais pareil, quand Fran s'inquiète pour son bébé en se disant qu'il va peut-être mourir, elle dit s'il meurt, c'est la main de Dieu. Mais ferme ta gueule, quoi. Enfin, c'est horrible de dire ça. Bah oui, clairement. Surtout quand t'as disparu et que t'as laissé tout ton groupe pendant trois plombes, là. Ouais, moi j'y arrive. Et tu reviens en train de mourir pour leur dire, bon bah les gars, allez au gaspipe maintenant. Ça, j'y arrive pas du tout, ce message-là, et finalement, je trouve... Enfin, je vois pas tellement la différence entre le message du dieu qu'on nous présente comme le dieu du bien et le message de Randall Flagg qui fait crucifier ceux qui lui plaisent pas, mais c'est le même délire, quoi. Le dieu, il claque des doigts et il sacrifie des gens. Quelle est la différence ? C'est ça. Vraiment, tout cet aspect mythologique, du coup, c'est ce que j'ai trouvé le moins intéressant du fléau au final. Au final, si je devais faire un parallèle série-télé, alors, je sais que mon cher ami Issam, juste en face de moi, n'est pas un grand spectateur des séries-télé, et encore moins spectateur de Lost, oui. Qui est une série que moi j'adore. Mais, si vous voulez, parmi les spectateurs de Lost, il y a deux genres de spectateurs. Il y a ceux qui regardaient Lost pour les personnages et pour leur évolution et pour les mystères. Et en fait, je me suis retrouvé dans le même cas de figure en lisant le fléau. Ce qui m'intéressait, c'était les personnages et leur évolution. Tout ce qui était les mystères qui entouraient Randall Flagg et Mère Abigail, j'en avais mais rien à cirer. Mais totalement rien à cirer. Voilà, c'était mon parallèle entre Lost et le fléau. J'ai vraiment vécu ça, mais de la même manière. Et encore, j'ai l'impression que ça t'a moins énervé que moi, parce que moi, j'étais vraiment furieux derrière mon bouquin, des fois. D'ailleurs, le fléau, j'ai dû m'y reprendre à deux fois. J'avais déjà essayé de le lire il y a plusieurs années, alors pas forcément à la meilleure période de ma vie, mais j'avais abandonné, justement, vers l'arrivée de Mère Abigail, et le chapitre sur la poubelle, je crois que c'est ça qui m'avait fait lâcher. Ça t'avait achevé, ouais. Et là, je l'ai relu, parce que je savais qu'il y avait le podcast et que ça allait tomber un jour ou l'autre, mais j'ai eu du mal, j'ai vraiment dû me forcer sur le tome 2 pour le lire. Et le problème du message, on retrouvera ce problème-là dans Désolation, où il y a exactement le même type de message avec un gamin de 13 ans qui garde la foi en Dieu alors que sa petite sœur vient de mourir de manière complètement gratuite des premières pages du roman, et je trouve ça horrible, en fait. D'accord. Tu n'es pas... Désolation, je n'ai pas lu. Et qui n'a pas été adapté, il me semble. Si. D'accord, donc je devrais lire. Et je crois que c'est par Mick Garris aussi. Ah oh, génial. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qu'on n'a pas encore abordé ? Bah, que le fait que King sentait pas où allait son intrigue, comme tu l'as dit, ça se sent. On sent que l'explosion de la bombe dans le placard de Nick, c'est un peu pour se débarrasser de certains personnages, parce que la manière dont Nick meurt, c'est complètement con. C'est-à-dire, il sent qu'il y a un taux de danger, mais il va plutôt aller chercher la bombe plutôt que de fuir. Ça n'a aucun sens, bonhomme. Et du coup, ça tue un des meilleurs personnages. Et la fin, faut en parler quoi, toute la troisième partie. Malheureusement, donc, le sacrifice des espions, qui n'auront servi à rien. Ouais, c'est ça, c'est l'intrigue des espions, n'apporte rien. Toute la partie se passe quasiment dans la zone de Flag, et il y a trop de personnages, soit qu'on n'avait pas beaucoup vu, soit qu'on n'avait pas du tout vu, et donc dont on n'a pas grand-chose à faire. C'est un passage où on se rend aussi compte que, bah, cette grande menace célesto-cosmique qu'est Flag, bah en fait, c'est un mec qui contrôle rien du tout. Oui, parce qu'en 100 pages, il va tout perdre, il va pas savoir reconnaître les espions. Il y a Nadine, qui l'a mise enceinte, qui va se suicider tout connement. Devant lui, en plus, devant ses yeux. Un autre espion qui, pareil, va réussir à se suicider devant ses yeux avant qu'il ait eu le temps de donner des informations. Voilà, alors que juste avant, il utilise ses pouvoirs pour changer le couteau qu'elle a en banane. Ouais. Donc, bah, t'as des pouvoirs, donc normalement, tu devrais pouvoir éviter qu'elle se suicide. Bah non. Elle se suicide. Voilà. Ces hommes, alors qu'ils ont pour mission de pas tuer le juge, bah, ils le butent, de manière sale en plus. C'est vraiment, mais il est entouré d'incapables, et lui-même, c'est un incapable. Au bout d'un moment, c'est quoi cette menace ? Alors la poubelle, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu m'en as parlé, la réaction que t'as eue à la lecture qui m'a dit « Eh, vous avez vu le psychopathe qu'on avait là ? Bah il est devenu turbo-psychopathe !» J'ai trouvé que c'était très juste, je veux dire, c'était évident qu'il allait partir en couille la poubelle. Est-ce que tu veux Alors c'est censé être... Est-ce que tu veux que je lise mon message en direct ? Alors attends. Voilà. Donc, on va se faire le plaisir, je vais lire le message que je t'ai envoyé. Lloyd, ah au fait, le dingue là, bah il est devenu giga dingo, il fait tout péter, il faudrait peut-être s'inquiéter, non ? Flag, oh bah zut, je pensais que ça allait bien se passer avec lui. Et nous en tant que lecteurs, non, t'es con ou t'es con ? C'est tellement ça. C'est, alors oui, c'est l'expert en armement, mais c'était... Enfin, la première scène où on le voit, il fait sauter toute une ville pour le plaisir, il se crame au passage, il se pète le poignet, il l'en mettra jamais en place. Bon, il y avait des signes avant-coureurs à un moment. Un petit peu, quoi. Faut qu'on fasse un petit asile à Vegas, dans un sous-sol de casino. Et puis vraiment, Flag le traite... Bah comme si c'était son fils, quoi. Ouais, et puis c'est le Deus Ex Machina final, parce que, bon, la fin, pour l'expliquer, donc il y a un groupe de Bouldern, de la Zone Libre, qui est envoyé à Las Vegas, soi-disant, pour s'occuper de Flag. Donc il y a Stu, il y a Glenn, il y a Ralph, et il y a Larry, c'est ça ? Ouais. Stu va être interrompu en cours de route, il va se péter la jambe, et donc il va pas pouvoir aller jusqu'à Vegas, et les trois autres vont y aller, vont se faire prendre, et vont assister à la poubelle qui ramène une bombe atomique, et la main de Dieu qui débarque on sait où et qui la fait péter. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment très clairement un Deus Ex Machina, mais là c'est même pas exagéré d'employer l'expression, quoi. C'est vraiment Dieu qui pose sa main sur la bombe. Mais du coup c'est très étrange cette scène, parce que normalement... Si Dieu est là, ça voudrait dire que c'est parce qu'il y a la présence des mecs de la zone. Genre, ils portent Dieu en eux, quoi. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Sauf que la main de Dieu, elle sort de l'éclair que Flag a utilisé avant. J'imagine que c'est une ironie dramatique. Ouais, mais du coup, si la main de Dieu peut se manifester au travers de ce que fait Flag, bah, du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir les autres sur place ? J'ai l'impression que c'est vraiment juste la valeur du sacrifice. Et qu'il y en ait un qui puisse rentrer pour raconter qu'il y a eu le miracle. Donc Stu. Ouais, c'est ça, Stu qui du coup était en retrait et qui va pouvoir rentrer. Qui s'est pété la jambe. Ouais. Mais enfin, cette fin, je la trouve... Bah, il a raison, Bill Thompson, en fait. C'est ultra facile. Si on résout tous les problèmes qui n'avaient pas de raison d'être, parce que finalement, tout ce qui concerne Vegas, on aurait pu le supprimer et mettre à la limite quelques dissidents du style Harold ou Nadine dans la zone libre pour mieux traiter encore le problème du bien et du mal de ceux qui veulent profiter de la catastrophe pour tirer leur épingle du jeu, ça aurait été bien plus intéressant que cette division bien-mal qui n'avance à rien. Ça aurait été bien plus logique, justement, oui, de lieu de se débarrasser d'Harold de manière un peu débilos, en plus. Parce que Harold fait partie des bons personnages, mine de rien, quand même. Mmh. Ça aurait été plus logique de voir Harold qui voudrait vraiment prendre la tête des gens de Vegas et vraiment provoquer tout ça. Ouais, ou même, je pense vraiment, on pouvait faire sauter complètement la zone de Vegas et traiter tout dans la zone libre avec des conflits internes. Hein. Ça aurait fait économiser beaucoup de place et des métaphores bien lourdingues. Mais, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé d'Harold, du tout. Mais Harold fait partie des bons méchants, pour le coup. Oui. Sa trahison, tu la sens venir dès sa première apparition, hein, c'est pas un mystère. On sent qu'il est sur le fil, mais on a espoir qu'il s'améliore à un moment. Ouais, à un moment très court. Ouais. et même lui a conscience que s'il avait pris un autre chemin, il aurait pu tourner autrement. Il est assez intéressant, ouais, Harold. Harold est vraiment un bon personnage, on en reviendra parce que malheureusement son personnage est pas mal gâché dans le téléfilm. Et il est surtout, y a une scène très forte dont tu m'avais parlé, quand Larry arrive dans la zone libre, en fait lui il y est arrivé en suivant des messages que Harold avait laissés en cours de route. Et donc il s'imagine vraiment Harold comme un grand héros, il a hâte de le voir, et il discute avec Fran qui, elle, a voyagé avec Harold, et qui, elle, a une vision entièrement différente de lui, beaucoup plus réaliste, hélas, de lui. Et elle se demande sincèrement si c'est pas elle qui a fait une erreur, et elle se demande aussi comment il va déchanter Larry en voyant le véritable Harold. Et malheureusement, le déchantement n'est pas à la hauteur... Non, il n'est pas très bien traité. Voilà, c'est un petit peu traité de manière un peu trop rapide, comme beaucoup de trucs. Parce que oui, ça, on l'a pas dit, mais à partir du moment où on arrive au livre 3, ça s'accélère, mais de manière incroyable. Ah oui, voilà, les personnages, on s'en fout. Ça s'accélère jusqu'à l'explosion de la bombe, et après, on a 50 pages interminables du voyage de retour de Stu et Tom qui sont bloqués dans la tempête. J'en pouvais plus, moi, sur ce tableau du livre. Moi, j'ai bien aimé le début. Après, oui, c'est beaucoup trop long. Ouais, pendant 5 pages, c'était sympa, ouais. Voilà, c'est ça. Sur 10 pages, c'était bien. Après, ça en fait 50. Oui, mais il y a un chien avec eux, c'est pour ça que moi, j'aime bien. Et ben c'est pour ça que moi j'aime pas. Voilà. Non, c'était dur. Heureusement qu'il y a l'épilogue qui laisse sur une un peu meilleure impression. Mais ouais, et encore un peu trop happy ending à mon goût, mais oui, au mien aussi, mais non, mais je veux dire vraiment l'épilogue avec le retour de Flag. D'accord. Mais voilà, c'est pour moi, c'est clairement pas dans mes favoris de King. Moi non plus, mais je pense qu'il est grand temps d'aborder la mini-série. Bah oui, il faut bien y venir. C'est parti. From Stephen King, the master of suspense, comes his all-time best-seller. Containment breach! We've had a major containment breach! Use the manual gate override, Cassian! Do it now! Deadly virus released by a government mistake. A frantic military willing to stop at nothing to cover up the terrible truth. The so-called super flu does not exist. What did you do? What did you people do? As the plague sweeps out of control, a nation erupts, society crumbles, the end is here. Now, all that remains, the demon, the prophet, and those chosen to survive. Molly Ringwald, Rob Lowe, Laura San Giacomo, Gary Sinise, Kareem Abdul-Jabbar, Ruby Dee, and Jamie Sheridan. Stephen King's The Stand. Alors, le premier projet d'adaptation du Fléau, c'était par George Romero qui voulait le réaliser. On l'a déjà dit, George Romero a beaucoup de projets avortés avec King. C'était avec Richard Rubenstein comme producteur. Donc Romero, Rubenstein et King avaient déjà travaillé sur Creepshow en 1982. C'était réalisé avec un petit budget et le but c'était un peu de servir de carte de visite justement pour dire hey, « Eh, vous voyez, on peut faire des trucs ensemble, donnez-nous l'argent pour réaliser un truc aussi grandiose que le Fléau ». Bon, le truc, c'est que je crois que ça a pas marché autant que prévu. Creepshow, c'est bien, mais ça a pas marché autant que prévu. Donc finalement, en tant que carte de visite, c'est un peu foiré. Il y aura quand même une suite. Deux même, je crois qu'il y a un Creepshow 3. Ah, possible, oui. Mais qui nous intéressera pas parce que King n'a plus aucune implication dessus, mais il existe. D'accord, oui, mais par contre, il est impliqué dans le 2. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, King écrit une première version du scénario, et en 1983, Romero et lui sont face au problème de la longueur, donc ils essaient de supprimer des personnages pour que le film ne dure pas 4 heures. L'idée de le faire à la télé est envisagée à l'époque, mais King ne voulait pas atténuer la violence de son scénario juste pour plaire aux chaînes, donc il dit non à cette idée-là. Il aimerait faire un film en deux parties, ce qui n'était pas encore tellement à la mode à l'époque, mais il ne trouve pas les financements pour ça, surtout qu'il y a pas mal des adaptations de ses œuvres qui sont des assez gros échecs au box-office à l'époque, donc il y a Charlie, Cat's Eye, Peur Bleue et Maximum Overdrive, et Running Man aussi, qui est un échec. Comment dire que c'est pas tous des chefs-d'œuvre ? Voilà, on y reviendra. Voilà, en temps voulu. À la fin des années 80, King en a marre et il se retire du projet, mais il y a un nouveau scénario qui est écrit par Roscoe Pallenberg, et scénario qui en était à sa deuxième version en mars 1990, et celui-là on peut le trouver en ligne, c'est assez intéressant à lire. Le projet n'a pas pu se mettre en place faute de financement, toujours. Le scénario prévoyait un film de plus de 3 heures avec énormément de personnages, et ça reste une énorme frustration de George Romero de jamais pu avoir fait Le Fléau. Et c'est dommage. Parce que du coup, on aurait peut-être eu au moins un téléfilm bien réalisé. C'est ça, c'est un peu le truc qui m'échappe, c'est pourquoi pas avoir appelé Romero au moment de faire le téléfilm. Mais bref. Alors après, du coup, le scénario de Pallenberg, je l'ai lu, et c'était pas formidable. En 3 heures, c'est beaucoup, beaucoup trop rapide et poussif. Les seuls avantages qu'il avait sur le scénario du téléfilm, c'est qu'il était plus gore. Enfin, je suis pas un fan de gore, mais dans certaines scènes du Fléau, là, on dirait vraiment que ça a été censuré dans la version télé. Et la fin était un peu meilleure, pas de beaucoup, mais elle tenait un peu plus la route, je trouve. ABC, après le succès du téléfilm Ça, propose à King de faire une version télé du Fléau, et cette fois-ci il va le dire oui, donc on est au début des années 90. Et il écrit un scénario qui est donc pas mal aseptisé des moments les plus gore, notamment tout ce qui concerne le cannibalisme de Lloyd quand il est en prison, ça s'est complètement coupé. Et King propose Mick Garris comme réalisateur, il avait déjà travaillé avec lui sur La Nuit déchirée en 1992, et Mick Garris témoigne... Si je suis là, c'est uniquement grâce à Stephen King. Je pense qu'il n'avait pas l'habitude qu'un réalisateur accepte son implication autant que je l'ai fait sur La Nuit déchirée. Je l'ai encouragé, et voulu que le film soit fidèle autant qu'il voulait, et je cherchais vraiment à lui plaire. Quand on vous offre un tel projet, ce serait idiot de refuser. Donc pour le formuler autrement, Mick est un bon chien-chien et du coup King était content de l'avoir sous la main pour rester fidèle à sa vision. On appelle ça un yes man, Issam. Oui, un bon chien-chien. Quand on est poli. J'ai pas envie d'être poli, j'ai perdu 6 heures de ma vie. Bah dis-toi qu'au moins, on a expédié le plus long, que ce soit en termes de roman ou en termes de film-téléfilm. Techniquement, en téléfilm, il y a Central Hospital qui est plus long. Oui, mais c'est mieux. Oui, c'est mieux, voilà. On est d'accord. Alors, en dehors de ses collaborations avec Stephen King, parce qu'il y en aura d'autres par la suite, Mick Garris, il a réalisé Critters 2, que je n'ai pas vu, Psychose 4, le commencement, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est pas si mal que ça. Alors, Critters 2, c'est pas mauvais, hein. C'est de la série B, quoi. Et sinon, des téléfilms, des épisodes de séries du style Amazing Stories, qui est plutôt une bonne série. Pour... Mm-hmm. Et il a fait pas mal de scénarios, mais rien de particulièrement brillant. Alors au casting, on va pas détailler tout et on va passer assez rapidement, je vais juste mentionner les noms principaux. Parce qu'il y a du monde. Ouais, il y a du monde, bah, il y a 125 personnages parlants, je crois. Il y a Gary Sinise en Stu, donc sa carrière venait de décoller grâce à Des souris et des hommes dans lequel il jouait et qu'il avait réalisé. Et ce n'est que l'année suivante qu'il jouera le sergent Dan dans Forrest Gump. Molly Ringwald, qui joue Fran et qui joue pas très bien d'ailleurs, alors que c'est Claire dans The Breakfast Club et que j'aime beaucoup beaucoup The Breakfast Club. Laura Sangiacomo en Nadine, pour moi c'est probablement la meilleure actrice du téléfilm, je trouve qu'elle s'en sort très bien dans son rôle avec un personnage qui est pourtant pas facile. On l'avait déjà vu dans Sexe, mensonges et vidéos de Soderbergh, et elle avait gagné plusieurs prix grâce à ce film-là. Et son rôle le plus connu, c'est dans une série qui s'appelle Voilà, que je ne connais pas. Voilà. D'accord, très bien. Ruby Dee en Mère Abigail, donc je ne connaissais pas cette actrice, mais ça avait été la première actrice noire à tenir un rôle principal à l'American Shakespeare Festival en 1965, je crois que c'était dans la Mégère apprivoisée. D'accord. Et ça a été une actrice extrêmement active, que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre, une chanteuse très active aussi, et elle a fait pas mal d'activisme politique justement pour les droits des Noirs, elle a gagné plusieurs prix tant pour son art que pour son activisme. Et elle n'avait que, entre guillemets, 72 ans quand le fléau est sorti. Mère Abigail est censée en avoir 104. Arnaque remboursée. Choc et déçu. Rob Lowe, donc on en a déjà parlé, qui joue Nick, et il jouera donc plus tard le rôle principal dans le Salem de Michael Salomon. Miguel Ferrer en Lloyd, donc il est connu pour son rôle d'Albert Rosenfield, un médecin légiste dans Twin Peaks. Matt Frewer en La Poubelle, alors je ne connais cet acteur que parce qu'il a joué dans 4 adaptations totalement nanardesque de Sherlock Holmes dans les années 2000. Ah. Si vous avez l'occasion de regarder ça, je vous conseille, c'est assez rigolo. Mais l'acteur a une bonne bouille. Mais l'acteur fait penser à Doc Brown. Hein. Dans son rôle de La Poubelle, il a des airs de Doc Brown. Ouais, même physiquement, il y a un petit truc, mais ouais. J'aurais préféré que ce soit Christopher Lloyd, parce qu'il aurait peut-être rendu le personnage intéressant. C'est ça. Bill Fagerbakke en Tom, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et il est surtout connu comme doubleur, c'est Alan dans la série télé Jumanji, et c'est Patrick dans Bob l'éponge, ça je l'ai noté parce que je sais que t'aimes bien Bob l'éponge. D'accord, chouette anecdote. Et sinon, plusieurs caméos, donc il y a Kathy Bates en animatrice radio, elle venait de gagner l'Oscar pour Misery, Ed Harris en général de l'armée qui venait de jouer dans Bazar aussi. Qui n'apparaît que dans le premier épisode du coup. Ouais. Sam Raimi en tueur dans l'épisode 4, c'est un des tueurs du juge, et il apparaît aussi dans le Shining du même réalisateur, donc je sais pas si c'est parce qu'il aime bien King ou si c'est parce qu'il aime bien Mick Garris. C'est parce qu'il aime bien jouer dans des daubes. Oh pardon. Peut-être aussi. Tom Holland, le futur réalisateur des Langoliers en Citoyen de Boulder, bon il doit apparaître 2 secondes. Et Karim Abdul-Jabbar en Messager d'Apocalypse, ça j'ai pas compris. Mais pourquoi pas, hein, il est gentil Karim. Écoute, il fait ce qu'il veut, hein. Pour le coup, big up à Nelson Coates, qui est le directeur artistique du film et qui s'est occupé de tous les décors. Il y en a, je crois, aux alentours de 250, donc ça a dû être un travail monumental. Mmh. Et notamment les plants de maïs devant chez Mère Abigail, qui servent pour les scènes de cauchemar et qui fonctionnent pas mal. Mmh. Il a dû en fait planter du maïs lui-même, parce que ça coûtait trop cher d'acheter du faux maïs, donc il a planté 3250 plants. Ah bah quand même. Voilà. Enfin, je pense pas que c'est lui qui l'a fait avec ses petites mains et son petit arrosoir, mais... Mais quand même. Et pour le coup, le maïs fait plus peur que dans les démons du maïs qu'on a vu la dernière fois. C'est vrai. Par contre, Edgar J. Pay, pour son travail sur la photographie, bon là, c'est très anonyme. Mm-hmm. Donc, le budget était de 28 millions, partagé entre ABC et Laurel Entertainment, et le tournage a duré 20 semaines, de 5 à 6 jours de travail, donc une grosse, grosse machine pour du format télé, avec, comme je le disais, 125 rôles parlants. Ouais, oui. Tu dis pour du format télé, ça reste quand même 4 téléfilms, quoi. Ouais, mais on était en 1994, hein, c'était, je pense que c'était rare, les gros trucs comme ça. Ouais, ça 28 millions, c'est énorme, hein, même pour 4 téléfilms. Mmh. Et pour l'époque, c'est du gros budget, oui. La musique, elle est de W.G. Snuffy Walden, qui est un compositeur assez actif pour la télévision. Elle marche plutôt bien pour évoquer l'aspect Amérique profonde, parce que c'est très basé sur des guitares qui font un peu country par moment. Donc ça donne clairement une personnalité à la BO, je trouve, cette instrumentation choisie. Après, dans les passages d'action ou de suspense, je la trouve plus faible, mais c'est un des bons points du film. J'ai bien aimé la BO. Oui, elle colle bien au film, effectivement. Le film est un très gros succès à l'époque, il y a environ 19 millions de foyers devant chaque épisode, ça fait environ 31% de part d'audience. Alors il y avait beaucoup moins de chaînes à l'époque, donc il faut replacer dans le contexte, mais ça reste un score plus qu'honorable. Ouais. La réception est plutôt bonne, ça gagne les Emmy Awards du meilleur maquillage et du meilleur mixage son pour une mini-série ou film, et c'était nommé pour la meilleure direction artistique, la meilleure photographie, la meilleure mini-série et la meilleure BO. Aujourd'hui, il est à 78% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ça m'a surpris quand j'ai vu ça, 78. Et 3,3 étoiles sur Allociné, j'ai été halluciné de voir ça. Ah, quand même. Et ça reste une adaptation dont King est très satisfait, lui comme Garris se souviennent avec pas mal de mélancolie du tournage, il y a un podcast assez récent dans lequel ils en parlent ensemble. Et ça n'empêche pas King pourtant de soutenir et même de participer à la nouvelle adaptation à venir, et même Mingaris a donné sa bénédiction pour cette adaptation, donc ils sont plutôt bons joueurs. Bon, nouvelle adaptation qui pour le coup... semble bien parti. Oui, 10 épisodes, je crois, le dernier scénarisé par King. Et au niveau des annonces de casting, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Ouais. Ce sera Whoopi Goldberg en Mère Abigail, qui est un choix plutôt inattendu, mais qui peut bien marcher, je pense. Qui est une très bonne actrice, Whoopi Goldberg. Oui, voilà, c'est ça. Clairement. C'est juste qu'on la cantonne un peu à des rôles comiques, mais... Voilà. Mais elle peut très bien s'en sortir. Alors, pourquoi je suis là ? Tu es ici pour réaliser la volonté de Dieu exactement comme les autres. Dieu ne vous a pas réunis ici pour faire un comité de zones libres ou une communauté. Il vous a réunis pour envoyer certains d'entre vous plus loin. C'est Stuart qui doit vous conduire maintenant que Nick est parti. Nous conduire ? Et où ça ? À l'ouest, petite fille. Toi, tu n'iras pas. Seuls les quatre suivants, Stuart, Ralph, Larry et Glenn, tu ne partiras... Non, Stuart n'ira nulle part. Il sera près de moi quand j'aurai mon enfant. Aucun d'entre nous n'aura plus affaire à votre dieu assassin. L'ange infernal, le démon, a convoqué sa fiancée pour lui faire un enfant. Va-t-il laisser ton enfant vivre, petite fille ? Père, mère, épouse, mari, et dressez contre eux le prince des ténèbres. Moi, j'ai péché par orgueil. Comme vous tous. C'est du passé, tout ça. Et donc, je pense qu'il est temps de passer à nos avis. Alors. Je te laisse commencer. Alors, le fléau, le téléfilm, ça commence plutôt bien, puisque ça commence avec un très chouette plan séquence de Campion qui fuit la base, et on voit un plan séquence qu'il suit tout au travers de sa maison, puis jusqu'à sa voiture, puis il s'en va avec sa femme. Ce plan séquence est vraiment très très bien. Il est bien foutu. Il est bien filmé, et après, ça devient nul. Au revoir. T'es un peu dur. Il y a quand même le générique qui fonctionne bien avec tous les morts dans le centre et la musique dont Fear the Reaper par-dessus. Ouais, ça, mais... je trouve que ça fonctionne bien. Il y a l'idée de l'électricité qui tombe en panne et du générateur qui s'allume. Ça, je trouvais que c'était un bon moyen de montrer que ça commençait déjà à tomber, la civilisation. Moi, jusqu'à 5 minutes, pour moi, ça marchait. Je me disais, je vais peut-être passer un bon moment. Et encore, je trouve que dans les morts, au niveau maquillage, c'est pas beau, quoi. Alors ça, c'est un des gros problèmes pour moi. Ça a eu l'Emmy des meilleurs maquillages, mais parce qu'il a fallu aseptiser pour la télé, et peut-être qu'une maladie peut se manifester comme ça, avec des symptômes assez peu voyants physiquement, sauf que pour créer une ambiance, je pense qu'il aurait fallu quelque chose de plus impressionnant, peut-être de plus inspiré des manifestations de la peste, par exemple. Moi, c'est vrai que je m'attendais à des trucs assez spectaculaires à ce niveau-là, mais bon, c'était pour la télé, je pense que c'est la seule raison qui fait que c'est aussi sombre. Bref, c'est pas très bien. L'adaptation, les personnages, Larry, c'est un gâchis monumental. Bon. Il n'a aucune évolution. Tous les personnages, hein. Non mais lui c'est celui qui vu que c'est celui dans le roman qui évolue le mieux. Oui. Forcément dans le téléfilm c'est celui qui pêche le plus. Le souci de Larry c'est qu'on saute son introduction sur la côte ouest, ça elle est complètement zappée. Oui. Première une part de sa culpabilité, ça saute. Sa relation avec sa mère, elle est traitée très rapidement, donc une autre part de sa culpabilité, ça saute. Le personnage de Rita, il est pas présent, troisième part de sa culpabilité, ça saute. En fait, tout ce qui faisait le personnage saute parce qu'il faut faire vite. C'est ça. Mais il faut faire vite, mais alors que le premier épisode est très lent au tout début. C'est l'exposition des personnages, ouais. Tu vois, la fuite, elle est fidèle au roman. L'arrivée de Campion à la station de service, c'est fidèle. Et ça dure longtemps. Et il y a plusieurs scènes comme ça. Stu, quand il est prisonnier dans le laboratoire, c'est pareil. Ça dure trois plombes dans le téléfilm. Oui. Pourquoi ? Pourquoi, si c'est faire ça, si après c'est pour tout expédier par-dessus la jambe ? Un des soucis que ça me pose dans le premier épisode, et qui à mon avis fait que ça semble long, c'est que le passage d'un personnage à l'autre, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres au début, ça fonctionne au roman parce que ça se fait d'un chapitre à l'autre, donc on a la fin d'un chapitre, on se dit « ok, on peut passer à autre chose ». En série, c'est un cut tout bête, des fois un fondu enchaîné, qui fait qu'on passe d'un perso à l'autre, et on a l'impression qu'il manque un raccord, qu'il manque quelque chose, qu'on repart à zéro à chaque fois. C'est, on peut pas adopter la même narration pour un format téléfilm que pour un livre. C'est, niveau rythme, c'est tout pété. Les acteurs, même si ce sont des bons acteurs aujourd'hui, même si pour certains c'était déjà des bons acteurs, bah, il y a peut-être un petit souci au niveau de la direction d'acteurs, hein, parce que bon, niveau jeu, c'est pas trop ça. Ouais, il y en a certains qui s'en sortent mieux. Gary Sinise, il joue Stu et est vraiment totalement transparent dans le téléfilm, mais Gary Sinise fait avec ce qu'il a. Bah disons qu'il fait le taf, quoi. Ray Walston, celui qui joue Glenn, et Laura San Giacomo en Nadine, je les ai trouvés vraiment bons pour le coup, eux deux. Eux sont bons, non, mais même celui qui joue Flag, plutôt... Oui, alors à part sur le quatrième épisode où il se met à cabotiner comme pas permis, mais bon, en même temps, vu l'écriture du rôle, c'est pas entièrement de sa faute. Par contre, il y en a, ouais, je les trouve vraiment mauvais. Encore une fois, Molly Ringwald, et ça me fait chier de dire ça, en Fran... Enfin, il y a certaines scènes, c'est assez désastreux. C'est ridicule, même. Ouais. Matt Fowler, donc c'est pas que en Sherlock Holmes qu'il est nul, hein, visiblement. Donc la poubelle. Ouais. Enfin bon, la poubelle, c'est pas un bon personnage non plus, donc c'est peut-être pas de sa faute, mais c'est nul quand même, quoi. Parmi les grosses différences, dans le téléfilm, l'homme noir et Abigail sont introduits rapidement. Oui. Genre, c'est-à-dire que dès qu'il arrive dans la station-service, il évoque l'homme noir. Oui. Chose qui n'arrive pas... Enfin, l'homme noir doit être évoqué... Dans le premier tome, je pense peut-être au bout de 300-400 pages, quoi. Ça vient assez tard. Ça vient vraiment tardivement. Alors c'est que là, c'est peut-être avec les premiers rêves de Maïs où ils soupçonnent une menace, mais qu'ils ne voient pas immédiatement. Les rêves de Maïs, il y en a trop d'ailleurs, je trouve, dans le téléfilm. Ils marchent bien, mais il y en a trop. Ouais. Une des rares bonnes idées de mise en scène, d'ailleurs, elle est liée à l'homme noir, c'est le fait que dès qu'il y a un personnage qui va passer dans son camp, lors de leur scène d'introduction, il y a un corbeau dans le cadre quelque part. Ouais, ça, corbeau qui symbolisait ça, c'est une très bonne idée. Après, tu m'évoquais que ça... Bah, à un moment, quand c'est Lloyd regarde le poteau, il voit que c'est un corbeau, et deux secondes après, il voit l'homme noir, en fait, mais qui est perché sur un poteau électrique, c'est ridicule. Oui, mais ils ont dû se dire que la métaphore serait pas assez claire, sinon... Ah oui, c'est pas de prendre ses spectateurs pour des cons, mais au bout d'un moment, c'est... Quand c'est ridicule, faut pas le faire. Le souci, c'est qu'en fait, dans le téléfilm, tous les personnages sont super plats, je serais incapable de dire la personnalité de l'un ou de l'autre... Comme il a fallu couper tout ce qui concerne le développement de personnages, bah il reste plus rien, donc ça aide pas les acteurs à bien jouer. Et surtout, je trouve que les dialogues de King, ils passent pas toujours très bien à l'oral. Il y a quelques répliques qui, je reconnais du pur style King à l'écrit, je trouve que ça serait très bien. Mais quand j'entends quelqu'un les prononcer, je me dis, non, il y a quelque chose qui sonne pas bien là. Ouais, je suis d'accord. Puis il y a un autre souci du téléfilm, c'est que dans le fond, dans le fléau, il y a pas tant d'action que ça. Il se passe pas tant de choses que ça, c'est beaucoup de dialogues en fait. Oui. Et du coup, à l'écran, bah, c'est chiant, en fait. Bah, surtout quand c'est filmé très platement, avec des champs contre champs dans des décors pas top. Et c'est l'un des seuls trucs, en fait, qui, malgré l'annonce de casting et la modernisation, peut-être, de la prochaine série, qui fait quand même peur, parce que ça sera une série en 10 épisodes, il faut quand même, à moins d'introduire des scènes d'action qui sont pas présentes dans le roman, et dans ce cas-là, pourquoi pas ? On peut très bien inventer des choses pour dynamiser un petit peu l'histoire, mais le côté chiant risque quand même d'être présent. C'est le truc qui m'inquiète le plus. Et puis l'implication de King, hein, on va le voir, quand King est très impliqué, y compris scénaristiquement sur un projet, à part quelques rares exceptions comme Cimetière qu'on a vu, ça donne rarement des chefs-d'œuvre. Bah ouais. Donc là, et puis vu que le fléau repose vraiment beaucoup sur le dialogue, bah à moins d'appeler un dialoguiste de talent à la Tarantino, pour écrire des dialogues vraiment percutants et qui ont un rythme en Kalachnikov, ça risque d'être chiant, tout simplement. Oui, ou alors il aurait fallu ce dialoguiste qui a travaillé sur À la Maison Blanche, je crois. Oui, exact. Bon, j'ai oublié le nom, qui est aussi le scénariste du Steve Jobs, de Danny Boyle. Mais donc voilà, le téléfilm est chiant, parce qu'il a un rythme tout pété. Et c'est paradoxal, parce que on se fait chier, on s'ennuie. Moi, je vais être honnête, au bout d'un moment, je suis passé en vitesse accélérée, hein, merci VLC. Moi aussi, je l'ai regardé en 1,5. Bonjour, 2 heures de perdu. Bonjour, Greg. Mais en même temps, on a l'impression que tout va trop vite, parce qu'on passe d'un personnage à l'autre, il y a plein de trucs qui sautent. Il y a des relations entre une scène, des personnages, et le moment où on y revient, on a l'impression qu'elles ont changé du tout au tout. Notamment la relation entre Stu et Fran, donc quand ils se rencontrent, bon, ils s'apprécient tout de suite, mais au début, il n'y a rien. Mais la scène d'après, où on les revoit dans le téléfilm, tout de suite, ils couchent ensemble. Ouais. Et du coup, c'est dur de croire à une grande histoire d'amour quand on a l'impression que c'est que pour le cul, au final, ouais. Alors que dans le roman, ça se développe beaucoup plus. Mais autre scène ridicule, c'est l'un des épisodes s'ouvre sur l'opération de l'appendicite. Oui. Mais c'est genre, l'épisode s'ouvre et tu vois des gens que tu ne connais pas, ouais. Dont un qui est en train de se faire opérer et qui meurt. C'est dommage, parce qu'au niveau décor, c'est un des plus beaux décors, je trouve, ce truc. C'est une sorte de... Sous un toit, on sait pas trop. Mais le plafond est très bas, pour une fois, il y a des lumières intéressantes. Ouais. Donc il y a une ambiance qui est là, mais effectivement, on s'en fout de la personne qui est en train de crever, on l'a jamais vu. Même tous les personnages qui entourent Stu et les autres, tu les connais pas. Oui. Ça pose problème aussi quand il s'agit d'élire le comité qui va diriger la zone libre, parce qu'il y a certains des membres du comité, notamment Ralph et Glenn, qu'on a presque pas vu, donc on a envie de se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quelles sont leurs qualités pour être membre de ce comité. Autre chose, il y a vraiment des moments où tu te dis, si tu n'as pas lu le roman, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Encore une fois, ce passage du comité, de l'élection, genre ils sont en train de présenter, et là t'as Harold tout d'un coup qui se lève et qui dit genre oui, autant élire tout le monde directement. Et genre t'as les autres personnages qui font ah, il a anticipé notre plan, tu sais, qui ont une réaction de ce style-là, et tu fais, mais oui, mais si tu n'as pas lu le roman, tu peux pas savoir ça, tu peux pas comprendre qu'ils réagissent comme ça. Et c'est pareil pour les espions, t'as cette scène où ils parlent de l'espionnage, et juste après, enfin, ils parlent d'envoyer des espions, qui dans le roman est bien amené, et qui dure longtemps, et qui ça joue sur la culpabilité. Ouais. Et dans le film, déjà, la scène est expédiée en deux coups de cuillère à peau. Oui, donc déjà, ils passent pour des connards, voilà. Parce qu'ils choisissent de sacrifier notamment Tom, totalement gratuitement. Mmh. Et surtout, direct après, sans que ça soit évoqué, la scène de l'hypnose de Tom. Oui. Alors qu'ils n'en ont pas parlé. Alors que dans le roman, effectivement, ils amènent que pour que Tom puisse faire un bon espion, ils vont l'hypnotiser. Il y en a un, je crois que c'est Glenn qui a fait les tests. Oui, oui. Qui pratique un peu l'hypnose et qui a déjà essayé d'hypnotiser Tom et qui sait qu'il est particulièrement réceptif. Mmh. Et le but, c'est de lui faire retenir une date à laquelle il doit revenir et de lui faire retenir ce à quoi il doit faire particulièrement attention. Voilà. C'est une sorte de programmation de disque dur. Et c'est un des gros points d'ailleurs de débat et de culpabilité. Ils ont vraiment l'impression de faire un lavage de cerveau à Tom. Mais du coup, oui, dans le roman, il y a une vraie mise en place de la situation qui n'est pas présente dans le téléfilm, vraiment. Ce passage-là, si tu n'as pas lu le roman, tu ne comprends pas ce qui se passe. Bah d'ailleurs, Tom évoque à un moment, c'est comme la fois où tu m'as fait faire le poirier, mais on l'a jamais vu faire le poirier, donc d'où ça sort. Il y a plein de trucs comme ça où ça fait référence à des scènes. T'as presque l'impression qu'il y a des scènes coupées, que tu dois avoir 1h30 de scènes coupées sur un bonus sur le DVD. Mais s'il faut, c'est ça. Hein. S'il faut, spoiler, tu les as pas. Oui, tu les as pas. Mais s'il faut, il y a des scènes coupées. Mais enfin, du coup, ça en devient incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas lu le roman. Oui, carrément. C'est très étrange, quoi. Ça nuit aussi à l'ambiance, parce qu'il y a certains trucs, par exemple, le retour de l'électricité dans la zone libre, c'est censé être vraiment un triomphe. Ils ont eu du mal à avoir l'électricité, ils restent facilement 150 pages dans la zone libre sans avoir ça. Tandis que dans le téléfilm, c'est quasiment dès qu'on les voit dans la ville, la scène d'après, quasiment, c'est l'électricité qui est rétablie, donc ça paraît une victoire facile, alors que c'est pas le cas, c'est une grosse renaissance de l'humanité, quand même. Et puis, surtout dans le roman, ils remettent l'électricité et ça foire. Oui, parce qu'il y a plein d'appareils allumés partout et ça fait une surchauffe. Et du coup, ils sont obligés de retravailler dessus, d'aller éteindre les appareils, voilà. Enfin, il y a eu un échec avant la victoire, alors que là, c'est victoire directe. Idem pour les moments où ils se débarrassent des cadavres, ça dure longtemps normalement dans le livre et on sent une des conséquences qui n'avait pas été anticipée de l'épidémie, c'est qu'il y a des cadavres qui traînent partout parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper. Ah oui. Et d'ailleurs c'est ce qui participe à faire monter la colère d'Harold dans le roman. Oui. Harold qui est un personnage ultra bâclé en téléfilm. Alors d'habitude, qu'un personnage ressemble physiquement à son pendant d'une version romancée, dans une version filmique, je m'en fous, ça me choque pas. Mais là, le personnage n'a absolument rien à voir. Là, c'est vraiment l'opposé total, donc autant créer un nouveau personnage, c'est pour faire ça. Comme il n'est pas développé psychologiquement, et qu'il n'y a pas cette caractéristique physique. Enfin, Harold, il est censé être pâteau, il est censé être gros hein, au début. Oui, voilà, écrit. Et donc, mal à l'aise avec son corps, moqué pour ça. Dans le téléfilm, il n'y a pas ça, donc on comprend pas bien pourquoi il se sent mal à l'aise. Mais dans le téléfilm, ils lui maquillent 4 pauvres boutons sur la tronche. Ouais, mais enfin, c'est un ado lambda, quoi. C'est tout, et enfin, puis... Enfin, avec puis, un acteur trop vieux, mais... Et puis, épisode 2, il a moins de boutons. Épisode 3, il en a plus. Ouais. Et là, il est limite... Bah, c'est limite un beau gosse, quoi. Tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un des pouvoirs de Randall Flagg. Et c'est pour ça, ouais, tu comprends pas. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Assez étonnamment, alors qu'il y a plein de scènes d'exposition qui sautent, il y a des intrigues qui me paraissent totalement inutiles qui, elles, sont conservées, bah celle des espions, soyons honnêtes, elle sert à rien, elle aurait pu sauter complètement. Le personnage de Julie Laurie, il ne sert à rien du tout, pourtant il est laissé. Pourquoi laisser ces scènes-là si c'est pour couper plein de trucs importants? Même le développement de Nick, hein, on n'en a pas parlé, mais toute la partie où il est chez le shérif, après ça te fait passer à tabac, et qu'il y a un shérif et un docteur qui sont gentils avec lui, c'est super expédié, t'es censé avoir de la peine pour la mort du shérif, mais tu l'as vu dans une scène de 30 secondes avant, sinon tu l'as pas vu. C'est ça. Tandis que normalement, il est vachement développé dans sa relation avec Nick. Et c'est une bonne relation, en plus c'est un très bon passage du roman. Hein. Bah ouais, c'est ça. Le shérif, d'ailleurs, c'est peut-être l'un des premiers personnages sympathiques qui meurt de la maladie dans le roman, donc oui, en tant bah que lecteur, t'as un petit peu d'empathie quand il y passe. Le shérif et le docteur, en fait, oui. Et le père de Fran. Ouais, mais le docteur, il passe après. Ouais. C'est pour ça, c'est vraiment le shérif, l'un des premiers... Ouais, encore, je sais plus l'ordre avec le père de Fran et la mère de Larry. Ouais, mais encore, le père de Fran, alors après, c'est l'époque peut-être qui voulait ça, mais a des propos très limites sur l'avortement, qui ouais. Moi m'ont dérangé, alors, moi aussi, mais ça m'a pas rendu le personnage moins sympathique parce qu'on sent que il veut authentiquement du bien à sa fille, ouais, après, qu'il le tient réellement. Rendu, ça m'a pas rendu le personnage. Après oui, effectivement, les propos sont très limites sur l'avortement, mais c'est un personnage de vieux de 60 ans à son époque et il l'impose pas à Fran non plus. Non. Elle lui demande son avis, il dit lui-même, je te le donne, mais t'es pas obligé de l'écouter. Voilà, c'est ça. Ça a évité que les propos me dérangent trop. On parle de Fran, sa mère. C'est poubelle. Ouais. Alors c'est pas la poubelle, hein. C'est juste poubelle parce qu'elle est pas dedans. Bah globalement, ce qui était coupé dans la version courte du roman et pas dans le téléfilm. Oui, voilà, c'est ça. Ça, donc le voyage de la poubelle, il nous est épargné aussi. Même si on voit quand même beaucoup trop la poubelle. Ah, oui, de toute façon, le fait qu'on voit la poubelle, c'est qu'on voit beaucoup trop la poubelle. Même on voit pas The Kid. Oui. Voilà. Au niveau de la réalisation, bah, il n'y a pas grand-chose. Comme je disais, il y a le début qui ne fonctionne pas trop mal. Il y a les rêves de maïs qui ne fonctionnent pas trop mal, voilà, qui arrivent à mettre une certaine ambiance. Après, le reste, après, c'est que c'est pas mauvais, c'est que c'est lambda. Ouais, et encore, il y a des passages que je trouve limite mauvais. Par exemple, quand Mère Abigail décide de partir en exil parce que, soi-disant, elle a été trop présomptueuse, le plan qui la voit partir, en fait, elle marche dans la rue, mais il n'y a même pas l'horizon qui est cadré. C'est un plan qui cadre que la rue, et donc on la voit un peu s'éloigner. Moi, je vois juste ça, je ne comprends pas qu'elle est en train de quitter la ville. Oui, elle sort faire une balade nocturne, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. Donc, des fois, il y a vraiment des problèmes de réalisation. Quand ça essaie de faire passer des messages, bah, on a évoqué le symbole ultra expliqué par rapport au corbeau, alors qu'on aurait compris sans ça. Ouais. Et il y a aussi ce plan, quand ils se réunissent pour la première fois dans la salle commune de la zone libre, et qu'il y a ce plan sur un tableau qui représente les premiers colons qui arrivent aux États-Unis, les premiers pionniers. Et ce plan, il est insistant, alors la métaphore, pourquoi pas? Moi, ça me touche pas, parce que tout le côté America fuck yeah, on chante l'hymne national et compagnie, ça me touche pas. Bah. Mais pourquoi pas? Mais c'est beaucoup trop appuyé, le plan, il dure une plombe en plus. Typiquement, c'est comme. C'est une scène qui est présente et dans le roman et dans le téléfilm, le passage de l'hymne national. Oui, après ça, typiquement, nous, je pense qu'en tant que. J'allais dire français plutôt, en tant qu'européen. On s'en carre complètement, quoi. Oui, et puis disons que moi, le nationalisme, je manquais. Ça aurait été la Marseillaise, j'aurais réagi oui, pareil. Hein, bah le pareil. Nationalisme, moi, ça a plus tendance à m'horripiler qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Mais là, d'autant plus, quoi. C'est... On s'en fout, quoi. Les décors, il y en a certains qui font un peu cheap, mais globalement, c'est quand même un des bons points. En fait, à part les centres médicaux et militaires, je trouve que les décors, ça va. Ouais, parce que tout ce qui est centre, par contre, oui, c'est... Ouais, ça, on sent que c'est des hangars qui ont été vite faits par... En fait, c'est tourné dans ta cave, quoi. On a grillé. Hein. Et puis, il y a trois figurants aussi. En fait, c'est tourné dans ton garage, mec. Hein, c'est bon, c'est... Il y a même un moment où t'as une porte qu'on voit un peu, d'un peu trop près, et tu vois que c'est du bois peint, en fait. Et c'est pas du tout une porte en métal. Ah, je peux faire attention. C'est dans une scène avec Stu. Non, mais même Ed Harris, dans l'épisode où il est, des fois... T'as l'impression sur son visage, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Il est là devant ses vieux moniteurs tout pourris, et là, tu fais, bon bah... Ouais, il regarde, il attend que le temps passe. Moi, j'ai signé, quoi. Alors, par contre, Kathy Bates, elle a qu'une scène, elle est magistrale. Ouais. C'est une façon de Kathy Bates, à chaque fois qu'elle est apparue dans un King, elle est géniale, hein. Que ce soit dans Misery, là, pour quelques secondes, ou dans Dolores Claiborne, c'est une actrice qui est énorme. Bah, c'est une scène qui fonctionne plutôt bien dans le livre et qui fonctionne également pas trop mal dans le téléfilm, donc... Ouais, elle a un côté un peu moqueur envers les flics qui arrivent, enfin... C'est, les militaires, même. C'est le meilleur moment de jeu, en fait, je trouve, de tout le téléfilm, quasiment. Du coup, c'est juste dommage que dans le téléfilm, ils n'aillent pas jusqu'au bout de la critique militariste du roman. Ah parce oui. Que dans le roman, c'est le chef militaire qui l'abat, et ensuite c'est ses hommes qui, face à ce geste un petit peu facho, hein, faut le dire, hein, de censure des médias, butent leur supérieur. Alors que là, y a pas. Globalement, il y a pas mal la critique des militaires qui revient dans le roman. Ça revient pas mal que les militaires bloquent des villes, abattent les gens, et que même s'ils sont en train de crever, ils continuent à respecter leur ordre à la con. Mais dans le téléfilm, c'est pas du tout présent, par contre, cette critique militariste. King n'aime pas beaucoup l'armée, c'est un truc qui reviendra aussi assez régulièrement dans son œuvre. Ici Ray Flowers, vous êtes en ligne, à vous de prendre la parole. Salut Ray. Je dois vous dire que j'apprécie beaucoup votre émission. Vous dites que vous avez vu des GI tirer sur des civils désarmés, c'est bien ça ? Au nom du gouvernement des États-Unis, ouvrez ! Écoutez, Portland, je crois que les Marines viennent de débarquer et ils n'ont pas l'air contents. C'est un canular ? Oh oui, c'est sûrement un canular ! Je crois que non, Franny. Je crois que c'est la réalité. Bonjour, vous êtes en ligne ? Ouais, tout va bien ? À vrai dire, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Plusieurs soldats ont pénétré dans le studio et... ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont vêtus de combinaisons protectrices et ils portent des masques à gaz. Coupez le moteur ! Hé, hey, Rambo ! T'as jamais entendu parler d'un bidule nommé liberté d'expression ? Quand tu entends ça, ça fait pas tilt. Chers amis, un autre fasciste que je n'avais pas invité m'a ordonné d'arrêter l'émission. Et je refuse ! Ça suffit comme ça ! Ah oui, un point dont on n'a pas discuté. Je me suis demandé si c'est moi qui avais mal lu, mais on est d'accord, dans le livre, il est mentionné que Nick est noir. Il me semble. Donc ça m'a un peu étonné, enfin... C'est pas non plus un caractère essentiel du personnage, mais non, bah c'est quoi, pas, j'ai pas compris. C'est comme on disait, toi, t'as le même avis que moi sur la question, quand un personnage est pas fidèle à ce qu'il ressemble normalement dans une version BD, roman ou autre support que son adaptation, c'est pas trop grave. Non, ça va. C'est... Mais des fois, c'est bizarre. C'est du whitewashing. Ouais, là, c'est le whitewashing de l'époque. Là, c'en est un peu. Bah oui, clairement. Bah oui. Je réenregistre un petit bout au moment du montage à ce sujet. Si on pensait que Nick était afro-américain, c'est parce que le shérif, quand il le voit pour la première fois en prison, l'appelle à deux reprises « bamboula », ce qui est très clairement une injure raciste. Par contre, ce terme n'est utilisé que dans la version française. Dans l'original anglais, c'est le terme « babalouga » qui est utilisé, B-A-B-A-L-U-G-A-H. Et ça, j'ai fait pas mal de recherches et je ne trouve à peu près aucune définition. Un dictionnaire urbain dit que babalouga sans le H, ça voudrait dire merde au cul, mais je trouve pas vraiment d'occurrence pour confirmer cette définition. Une explication en ligne dit que ce serait une référence à la chanson Tutti Frutti de Little Richard, mais personnellement je vois pas du tout le rapport. Ce que j'ai trouvé le plus convaincant, c'est une sorte de boys band d'enfants allemands qui a sorti un seul single en 1987, le groupe s'appelle Babalouga sans le H toujours, la chanson s'appelle My Paradise. Mais visiblement c'est assez oublié, j'arrive pas à trouver si ça a eu du succès aux États-Unis à l'époque. Et ça pourrait faire référence éventuellement au fait que Nick est très jeune, le shérif croit même qu'il est mineur au départ. Dans tous les cas, il semble qu'en VO il n'y ait aucune référence à la couleur de peau de Nick, et même dans le comics Le Fléau, il est blanc. Donc c'est très étrange cette utilisation visiblement erronée de bamboula en VF, mais je serais curieux que vous nous disiez si vous aviez plus d'informations sur le terme babalouga. Voilà, on reprend le cours normal de l'émission. Parce que niveau représentation, c'est pas la joie. Non, bah, à part Mère Abigail. Mais ça aussi, King l'a reconnu par la suite, a fait son mea culpa. Il a dit que les personnages de couleur dans ses romans des débuts et jusqu'à assez tard, ils étaient pas top. C'est des clichés ambulants, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit peu comme ses personnages de femmes, mais sur ça aussi, il est revenu. Oui, bah, dans les deux cas, il a reconnu qu'il avait pas été forcément très habile. Il nous a fait une sarco, j'ai changé. C'est dur, là. Mais apparemment, Rob Lowe était vachement impliqué dans son rôle, au point de se mettre des trucs dans les oreilles pour être sourd. D'accord. Bah, Rob Lowe a toujours été un bon acteur. Oui, c'est ça. C'est con que les deux fois où on l'a vu, il a pas à défendre des trucs dinguissimes. Et encore, Salem, c'est pas non plus... Oui, c'était mieux dans Salem. Voilà. Et autre très gros problème du film, les effets spéciaux, ils sont dégueulasses. Oui. Évidemment, il n'y a pas le budget. Voilà. Le souci, c'est que dans ce cas-là, on évite de trop en faire. Bah, genre, on évite de transformer son méchant en démon pendant tout le putain de quatrième épisode, parce que c'est ridicule. Alors qu'en plus, il ne le fait pas dans le roman. Oui, c'est donc ça. Si t'as pas de budget, pourquoi faire rajouter du truc qui va te demander du budget ? C'est moche, ça passe pas bien. Les effets spéciaux de la main de Dieu, c'est l'apocalypse aussi. Bah même, c'est la boule, même la boule d'électricité quand tu le rebelles. On dirait un truc rajouté directement à la pellicule, au dessin, à la pellicule. Ouais, c'est ça. Et bah, le truc, c'est que ça, de plus en plus d'effets spéciaux, le fait que l'intrigue, comme dans le roman, devient de moins en moins bonne et que le message religieux devient de plus en plus présent, en fait, le téléfilm se dégrade d'épisode en épisode. Mais le quatrième, je suis désolé, je trouve que c'est de la merde. Ah oui, clairement, ouais. Y a plus rien. En plus, ça se finit sur un plan immonde, une espèce d'incrustation de Mère Abigail sur une vitre. J'avais l'impression d'être dans une sorte de soap opéra. C'est horrible, ce dernier plan. Avec la survie de l'enfant. Ouais, comme dans le livre. Mais pourquoi cette incrustation à la con, hein? Mais c'est parce que Mère Abigail est une Jedi. Tu ne le savais pas. Ouais, ça doit être ça. Elle revient. Alors dans mon souvenir, le téléfilm fait aussi plusieurs fois un truc que je n'aime pas du tout, c'est les flashbacks vocaux. Oui. C'est pour t'indiquer qu'un personnage est en train de penser à quelque chose, on te met un flashback d'un truc qu'il a entendu plus tôt, mais non, non, laissez-nous le deviner nous-mêmes, c'est insupportable ça. Bah encore une fois, c'est prendre son spectateur pour en demeurer. Ouais, mais c'est... Pour le coup, les trucs avec les voix-off, c'est parmi les trucs qui m'énervent le plus facilement au cinéma, et là il y en a pas mal, donc ça me sort complètement du truc à chaque fois. Bon bah vous l'avez compris, au contraire, visiblement, de la majorité, encore une fois, je suis surpris de devoir dire ça, mais au contraire de la majorité, on n'a pas été fou du tout de l'adaptation du fléau. Après, je pense que le fléau, à l'image de ça, fait partie de ces adaptations que les gens ont vues il y a des années, qu'ils n'ont pas revues depuis, et qu'ils notent, tu vois, ils donnent leur avis, avec ce souvenir, en fait, avec un souvenir de nostalgie, enfin, un prix de nostalgie. Et bah, la nostalgie, ça ajoute des tours, par moment. Ouais. Je pense vraiment que c'est ça, en fait. Parce que moi-même, j'ai des bons souvenirs de ça, quand je pense que je le reverrai pour cette émission. À ma vie, je vais déchanter. Ça, moi, je suis presque curieux de le revoir, parce que contrairement à toi, je ne l'ai pas vu enfant, je l'ai vu assez récemment, ça doit faire 2 ans. Donc en ayant toute la hype qu'il y avait autour, ça a été horrible, j'ai détesté ça, donc on se fera plein d'ennemis, je pense, quand on le traitera. Mais du coup, je suis presque curieux de le voir, parce que peut-être que moi, au contraire, je le préférerais à la deuxième vision, sans avoir les attentes. Sans avoir les attentes que tu avais à l'époque, et surtout en ayant le comparatif du nouveau ça. Mais oui, le parallèle que tu fais est intéressant. Après, le fléau, il y a en plus le fait qu'on n'a pas été fou du roman déjà dans un premier temps. Donc, oui, c'est vrai. Et que les avantages du roman ont tendance à tous sauter dans le téléfilm, parce que c'est le développement de personnages. Donc voilà. Mais c'est vrai que le fléau, moi, gamin, les souvenirs que j'ai du fléau, c'était les téléfilms qui passaient sur M6. C'était une époque où bah, t'avais pas grand chose à la télé, t'avais pas grand chose à te mettre sous la dent. Tu vois, c'est une époque propice hein, au final à ce que bah, quand t'es gamin, t'apprécies des trucs qui sont pas forcément terribles, quoi. Oui, et puis même, je veux dire, je comprends qu'il y ait plein de foyers qui aimaient à l'époque, c'était quand même relativement nouveau, il y avait quand même l'aspect blockbuster pour la télé. C'est ça. Donc je comprends que ça a été apprécié, mais bon, c'est dur à voir aujourd'hui. Et donc Mick Garris, on le reverra régulièrement, on le reverra pour Shining, on le reverra bah, pour La Nuit déchirée, et on le reverra, je suis désolé pour toi, pour Sekdos, parce que c'est lui aussi qui est derrière, et j'ai un peu peur de voir ça. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la scène culte? Bah il est temps. Alors c'est parti. Pour la scène culte, on a eu du mal à trouver, parce que bah, comme vous avez compris, on n'est pas ultra fan du fléau, donc on avait du mal à avoir des scènes vraiment mémorables. Bah, et puis c'est surtout qu'on est d'accord pour dire que le fléau est rempli de bonnes scènes, mais pas forcément de scènes extraordinaires. Pas mal des scènes qu'on aimait beaucoup aussi sont pas dans le téléfilm, donc pour le comparatif c'était pas possible. On a hésité entre la traversée du tunnel par Larry et Rita, mais d'une part elle est longue, et d'autre part c'est surtout en termes visuels qu'elle échoue, je trouve, dans le téléfilm, parce que c'est le travail d'éclairage et de plan qui fait que ça marche pas. Mais, on peut dire que c'est une excellente scène du roman. Ouais, et pas une très bonne scène du téléfilm. Voilà. On a hésité aussi avec l'explosion de la bombe dans l'appartement de Nick, mais pareil, c'est beaucoup trop long. Donc finalement, on a opté pour une autre explosion de bombe, une explosion de bombe atomique. On a opté pour la résolution du roman et du téléfilm. Donc nous allons lire l'extrait qui provient de l'édition Livre de Poche du Fléau, tome 2, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Quijano. Et nous probablement un breton. Probablement un breton, peut-être, je ne sais pas. Et nous sommes donc à la page 698. Ça commence à faire. Oui, là, imaginez que ça fait déjà 1400 pages que le lecteur y est, donc que la lassitude est déjà très présente. Voilà. Et qu'en mettez-vous plus, dans notre état. Et qu'en plus, la poubelle revient. Flack sentit la terreur se couler dans les chambres secrètes de son cœur. La terreur de l'inconnu, de l'inattendu. Il avait tout prévu pourtant. Même ce sot discours que Whitney avait décidé de faire sur un coup de tête. Il avait tout prévu, sauf ça. La foule, sa foule, s'ouvrait, reculait. On entendit un hurlement, très haut, très clair. Quelqu'un s'était enfui en courant, puis un autre. Et la foule, à bout de nerfs, se dispersa dans la bousculade. « Arrêtez !» cria Flag de toutes ses forces. Mais la foule s'était transformée en un ouragan que même l'homme noir ne pouvait arrêter. Une terrible rage impuissante grandit en lui, rejoignant sa peur en un nouveau mélange volatile. Une fois de plus, quelque chose n'avait pas marché. À la dernière minute, quelque chose n'avait pas marché. Comme avec le vieux juge, comme avec la femme qui s'était ouvert la gorge avec les éclats de vitres, comme avec Nadine. Nadine qui tombait. Il courait aux quatre coins de l'horizon, piétinant la pelouse du MGM Grand Hotel, traversant la rue, fonçant vers The Strip. Ils avaient vu le dernier invité, arriver enfin comme une sinistre vision sortie d'une histoire d'horreur. Ils avaient peut-être vu le grimage d'un atroce châtiment final. Ils avaient vu ce que l'enfant prodigue rapportait avec lui. Comme la foule se dispersait, Randall Flagg vit lui aussi. Tout comme Larry, Ralph et Lloyd Enraid, frappés de stupeur, qui tenaient encore le parchemin déchiré entre ses mains. C'était Donald Merwin Elbert, désormais connu de tous sous le nom de la poubelle. Maintenant et à jamais. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Il était au volant d'une longue voiturette électrique couverte de poussière. Les accumulateurs du véhicule étaient presque à plat et la voiturette avançait par à-coups, ballottant la poubelle sur son siège comme une marionnette devenue folle. La poubelle était dans la dernière phase du mal des rayons. Il avait perdu ses cheveux, ses bras que l'on voyait à travers sa chemise en loques étaient couverts de plaques suintantes, son visage n'était plus qu'une soupe rouge semée de cratères au milieu de laquelle un œil bleu, délavé par le désert, regardait fixement avec une terrible et pitoyable lueur d'intelligence. Ses dents avaient disparu, ses ongles aussi, ses paupières n'étaient plus que des lambeaux de peau. On aurait dit que cet homme venait de sortir avec sa voiturette électrique de la gueule noire et brûlante de l'enfer. Flag le regardait s'approcher, figé. Son sourire avait disparu, ses belles couleurs aussi. Son visage s'était tout à coup transformé en une vitre translucide. La voix de la poubelle, extatique, gargouillait dans sa poitrine décharnée. « J'ai apporté le feu, s'il vous plaît, pardon !» Ce fut Lloyd qui s'avança. Il fit un pas, puis un autre. « La poubelle, mon pauvre vieux, la poubelle !» L'œil bougea, cherchant douloureusement Lloyd. « Lloyd, c'est toi ?»« C'est moi, la poubelle, » répondit Lloyd qui tremblait aussi violemment que Whitney tout à l'heure. « Qu'est-ce que tu rapportes? Ce serait pas... »« Un beau morceau !» répondit la poubelle d'une voix triomphante. « Une bombe A !» Et il se mit à se balancer d'avant en arrière sur le siège de sa voiturette électrique comme un possédé. « La bombe A! La grosse, le grand feu! Je te donnerai ma vie !»« Remporte-la, la poubelle !» murmura Lloyd. « C'est dangereux, tu sais. Ça brûle. Remporte-la » !»« Fais-le foutre le camp avec son truc, Lloyd !» gémit l'homme noir, qui était maintenant l'homme pâle. « Qu'il ramène ça là où il l'a pris! Fais-le !» L'œil en état de marche de la poubelle s'ouvrit tout grand. « Où est-il » demanda-t-il d'une voix angoissée. « Où est-il? Il est parti? Où est-il? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» L'œil fit un dernier effort surhumain. « La poubelle, il faut que tu ramènes ce truc là-bas. Tu... » Et tout à coup, Ralph se mit à hurler. « Larry! Larry! La main de Dieu !» Le visage de Ralph était transporté d'une terrible joie. Ses yeux brillaient. Il montrait le ciel. Larry leva les yeux. Il vit la boule d'électricité que Flag avait fait jaillir de son doigt. Elle avait effroyablement grandi. Elle était à présent suspendue dans le ciel, menaçant la poubelle, lançant des étincelles comme de longs cheveux. Larry se rendit vaguement compte que l'air était tellement chargé d'électricité que tous les poils de son corps en étaient hérissés. Et la chose dans le ciel ressemblait à une main. « Non !» hurla l'homme noir. Larry tourna la tête vers lui, mais Flag n'était plus là. Devant l'endroit où il s'était trouvé, Larry eut l'impression de sentir une chose monstrueuse, quelque chose d'accroupi, de voûté, presque sans forme, quelque chose avec d'énormes yeux jaunes fendus de deux pupilles de chat noir. Puis, l'impression disparut. Larry vit les vêtements de Flag, le blouson, le jean, les bottes, qui tenaient tout seuls en l'air. Une fraction de seconde, ils conservèrent la forme du corps qui les avait habités. Puis, ils s'effondrèrent. Dans un crépitement, la boule de feu se précipita sur la voiturette électrique jaune que la poubelle avait réussi à ramener de la base de Nellis. Il avait perdu ses cheveux, avait vomi du sang, puis finalement craché ses propres dents à mesure que le mal des rayons s'enfonçait de plus en plus profondément en lui. Mais il n'avait jamais vacillé dans sa résolution de rapporter la bombe à l'homme noir. La boule de feu se jeta sur la plateforme de la voiturette, cherchant ce qui était là, attiré par cette chose. « Oh merde, on est tous foutus !» cria Lloyd Henreid, qui tomba à genoux en se cachant la figure entre les mains. « Oh mon Dieu, merci !» pensa Larry. « Je ne crains aucun mal, je ne... » Un éclair blanc remplit silencieusement le monde. Et les bons, comme les méchants, furent consumés par ce feu sacré. C'était long. Alors déjà, bravo pour ton La Poubelle, on aurait cru un méchant de Nicky Larson. Ça donnait un petit style. Merci. Et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Oh mon Dieu! C'est une bombe! Il a une bombe! Ah Débarrasse-toi de lui! Je l'ai apporté pour vous. Pour vous. Allez, qu'il foute le camp! Ma vie pour... L'ordure. Et toi, Lloyd? J'ai mal à voir. Mais les yeux sont tout bizarres. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu nous apportes? Le plus grand feu. La jolie bombe. Le feu pour vous. Écoute-moi, l'ordure. Tu devrais remporter ça, c'est dangereux. Revenez! Revenez par cela! Cette espèce de cinglé là! La promesse a été tenue selon la volonté de Dieu. Amen. Larry! Tu vois ça? La main de Dieu. Allez, va-t'en! Éblouissante grâce. Vous avez bien travaillé, les enfants. Entrez chez vous. De nous ramener. Bon, alors je me permets de prendre la parole en premier. Déjà, comme on a évoqué, le souci de cette scène, c'est que c'est un énorme Deus Ex Machina, donc ne serait-ce que narrativement, c'est forcément décevant parce que toutes les intrigues sont résolues grâce à ça. Ben, c'est très pauvre, quoi. C'est très pauvre, c'est très brutal. On aura l'occasion d'y revenir, c'est assez régulièrement que les fins de King sont un peu décevantes par rapport au contenu, on l'a déjà dit d'ailleurs par rapport à Salem. Là, c'est encore pire. En même temps, on a eu 1500 pages et on a vraiment juste l'explosion d'une bombe. Enfin, ça coupe tout, quoi, c'est vraiment tout réduire par le feu. C'est limite si on s'en tirait pas, King, je sais pas comment terminer, et il est temps de terminer, on va terminer. Ouais, ça donne un peu cette impression-là. Après, il y a des trucs qui fonctionnent dans la scène dans le roman, la description de la poubelle totalement détruite par le mal des rayons, ça, il y a une certaine ambiance qui s'en dégage. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que dans le téléfilm, il arrive, il est directement défiguré, on sait pas trop pourquoi, enfin on se doute que du coup c'est les radiations. mais ouais. C'est pas très clair. Bah, et puis tel que sont faits les effets spéciaux, on dirait juste qu'il a chopé un très très méchant coup de soleil, mais oui. Voilà, c'est pas dégueulasse comme ça a l'air de l'être, tel que c'est décrit ici. Pareil, ce qui rend mieux dans le roman que dans le film, bah c'est la main de Dieu, parce qu'en fait c'est pas décrit comme... Enfin, si, c'est décrit comme une main, mais c'est pas décrit comme la main qu'on voit dans le téléfilm, quoi. Celle du téléfilm, c'est vraiment genre la main qui arrive se met au-dessus de la bombe, la saisit, limite la gratouille un peu, tu sais pas trop. Ça aurait été rigolo qu'elle fasse un gros doigt à flag au passage. Alors que ça, en fait, oui, ça a l'air d'être une espèce de boule, mais en forme de poing ou de main, mais ça reste quand même un petit peu fantastique. Oui. C'est pas trop Alléluia mes frères, comme dans le téléfilm. Un problème de cette scène aussi dans le roman, c'est qu'on la voit pas mal du point de vue de la poubelle, Lloyd et Randall Flagg, mais pas du point de vue de Larry et Ralph qui sont là et qui sont quand même censés être les héros qu'on a suivis pendant plus de 1000 pages. On aurait bien aimé avoir plus leur point de vue, parce que là finalement ils meurent, on a un tout petit peu ce qu'ils ressentent à la fin, mais c'est pas fou. Et encore, c'est que le ressenti de Larry. Ouais, je crois que c'est Ralph qui crie la main de Dieu quand même. Oui, mais c'est Larry qui dit qu'il craint... Ils s'en foutent de mourir, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, c'est léger. C'est trop léger. Il fallait se reconcentrer aussi sur ces persos. Ils méritaient d'avoir une belle scène de fin, quand même. Et puis surtout, dans le roman, Larry, c'est un personnage qui a cherché la rédemption, qui l'a obtenue, et qui maintenant a une femme et un enfant à s'occuper. Je peux pas croire qu'il en ait rien à foutre de mourir. C'est pas possible. Ouais, c'est ça, surtout aussi gratuitement. Voilà, c'est pas possible. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est dégueulasse ce qui lui arrive à Larry. C'est peut-être celui qui fait le plus un travail sur lui-même. Bah oui. Et il crève quand même comme ça à la fin. Enfin, je trouve ça dégueulasse. Mmh, oui, on est d'accord. Sinon, comme tu l'as dit, Flag évoque que c'est encore un truc qui rate. Mais enfin, on voit pas bien ce qui réussit dans ses plans. Hein, parce que, ses avions, ils ont explosé déjà à cause de la poubelle. Oui. Sa femme, elle s'est suicidée. Enfin, il y a un moment, le mec, il fait que des conneries. Et il voit approcher une bombe atomique, il se sert même pas de ses pouvoirs pour... Je sais pas, il peut faire quelque chose, j'imagine. Il transforme la bombe atomique en banane, il l'a bien fait avec un couteau. Oui, j'avoue, il aurait pu faire ça. Et ça aurait été rigolo. Alors, ça aurait peut-être donné une salade de fruits, parce que c'est un peu plus gros. Je sais pas comment ça marche, ces pouvoirs-là, mais... il y a un moment... Alors, il dit... Il avait tout prévu. Ouais. Il avait tout prévu. Il a vachement tout prévu, le mec. Putain. Qu'est-ce que ça doit être quand il improvise? Une fois de plus... Quelque chose n'avait pas marché. c'est tellement drôle, oui, de lire cette phrase après toutes les mésaventures qui lui arrivent. Une fois de plus, ça n'avait pas marché. Et après, t'as toute la liste, comme avec le vieux juge, comme avec la femme qui s'était ouvert la gorge, comme avec Nadine, mais... J'attends presque à ce qu'après, il y ait ces problèmes d'érection, tu sais. Le mec, il arrive vraiment à rien faire. Genre, une fois de plus... Mais non, quand c'est trois fois, quatre fois, c'est pas une fois de plus seulement, c'est... C'est un peu un des soucis du livre, on n'a jamais vu Randall Flagg réussir quelque chose dans ce bouquin. Tout ce qu'il réussit, c'est des tours de passe-passe pour ouvrir une porte de prison, mais... Oui, c'est ça. Sinon, à chaque fois qu'on le voit, vu qu'on le revoit vraiment que dans la troisième partie, on le revoit vraiment que pour ses échecs, donc il fait jamais peur, Randall Flagg, dans le livre. Mais finalement, comme Mère Abigail, tu la vois jamais faire des trucs positifs. Oui, c'est ça. Après, elle est censée être positive dans le message qu'elle fait passer d'humilité envers Dieu, mais ça, on en a discuté, on a tous les deux du mal avec ce message-là. Donc... Oui, et puis tous les personnages... tous les personnages sont quand ? Il n'y en a aucun qui semble être athée, par exemple. Oui. Enfin, non, ils semblent tous avoir la foi. Alors que c'est censé être plus ou moins la place de Nick et de Larry qui remettent pas mal en question ce que peut dire Mère Abigail dans le roman. Mais pourtant, ils aiment quand même Mère Abigail. Hein. Oui, ça les empêche pas. C'est juste qu'ils ont un problème avec cette vision de la foi. Un problème qui se résout pour... C'est limite, tu dis, mais en fait, la super grippe, elle bute les athéistes, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Elle bute tous les athéistes, ou alors tous les athéistes sont dans le clan de Randall Flagg. Peut-être. Et donc, dans ce cas-là, le message est encore plus puant sur la religion, quoi. Mais bon, c'est très étrange. Et donc, par rapport à l'adaptation de cette scène, parce qu'on en a pas beaucoup parlé de la version télé, y a ce problème d'ambiance déjà autour du personnage de la poubelle... Et globalement, c'est ça qui pose problème, c'est l'ambiance. Et les effets spéciaux, la main est dégueulasse. Je crois que Randall Flagg se transforme à un moment de cette scène. Alors en fait, il fuit. C'est pour ça que dans le téléfilm, on sait pas trop s'il meurt, parce que juste avant l'explosion, il se transforme en corbeau, il s'envole. Ouais. Alors donc... ce qui est plus ou moins le cas dans le livre aussi, il disparaît. Et c'est le seul moment où on entreaperçoit apparemment sa forme monstrueuse, mais c'est tellement succinct que c'est peut-être juste une illusion d'optique, d'après ce que se disent les personnages. Ouais. Enfin, il fuit en s'envolant en corbeau, et on a du mal à comprendre comment il peut s'être envolé assez loin en corbeau pour échapper. Voilà. Enfin, c'est une bombe A, quoi. Voilà. C'est pas une petite explosion. Alors que dans le version roman, bon, il disparaît. Ouais. Voilà, peut-être qu'il a rejoint les enfers, voilà, il est retourné chez lui, quoi. Alors après, ce qui est encore plus flagrant, je trouve, dans le téléfilm, c'est que l'acteur, il est bras ballants, en train de ne rien faire, en train de voir le truc qui est en train de se passer. T'as encore plus l'impression qu'il a le temps d'intervenir, en fait, dans la version téléfilm. Dans le téléfilm, c'est long. Alors que ça se passe en quelques secondes, peut-être une ou deux minutes, grand maximum, dans le roman. Ouais, et puis, comme il y a quand même plein de descriptions, ça cache un peu le fait qu'il aurait pu intervenir. Ça fait un peu cache-misère dans le roman. C'est ça. Alors que dans le téléfilm, vraiment, c'est long. Il a vraiment le temps d'intervenir. Et puis, il compte sur Lloyd, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il compte sur Lloyd au moment pour éloigner la poubelle? Encore une fois, il a des pouvoirs, normalement. Quoi qu'il en soit, les deux scènes... Alors, on l'a choisi, on l'a dit, on a eu du mal à choisir une scène culte. C'est pas une scène culte. Et c'est pas une scène qui fonctionne, que ce soit dans le livre ou dans le téléfilm. Oui, c'est la première fois que c'est la première fois qu'on fait ça dans l'émission. On choisit la scène justement pour son échec. Voilà. Plutôt que pour sa qualité dans une des deux versions. Mmh. Et donc, dans les deux versions, c'est raté. Elle est tout de même beaucoup plus ratée dans le téléfilm. Ouais, carrément, parce que... Parce qu'il y a ce problème de rythme inhérent aux quatre épisodes, en fait. Il y a tout ce qui se conjugue. Rythme, effets spéciaux, jeu, réalisation. C'est, voilà. On est à total au moment de cette scène. On a tout. Et les changements, du coup, puisque... Merde, vous l'avez transformé en démon pendant tout le truc. Pourquoi, là, vous le transformez en corbeau? Retransformez-le en démon et faites-le disparaître. À la limite, quitte à avoir cramé votre budget en le transformant de manière ridicule pendant tout l'épisode. Bah, refaites-le pareil. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Alors ça me fait penser que dans le genre truc que je trouve totalement ridicule dans le téléfilm, il y a les scènes entre Randall Flagg et Nadine. J'ai vraiment l'impression que ça sort d'un mauvais péplum porno des années 70. Quand il l'a rejoint... Mais pas ça, quand il l'a rejoint pour coucher avec... Ouais, c'est ça, autour d'un feu, mais avec un travail sur la lumière et sur le décor qui est tel que... Ouais, ça m'a évoqué des vieux pornos fantastiques d'une certaine époque. Tout le monde n'aura pas la référence, mais bon. Je veux pas voir ce qu'il y a dans ta médiathèque, dans ta DVD-tech derrière toi, mais... Tellement de secrets. Sans doute des choses extraordinaires. Bon, bah voilà, je pense qu'on en a fini, et on va pouvoir passer au classement. Oui. Alors, c'est parti pour le classement. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par classer le livre. Alors, pour l'instant, dans notre classement, nous avons 5 œuvres, puisque nous avons intégré Les Enfants du Maïs, qui n'est pas un roman, mais une nouvelle. Donc, commençons. En tête d'affiche, nous avons Cimetière, ensuite La Tour Sombre, suivi par Salem, Carrie, et nous terminons avec Les Enfants du Maïs. Et donc, Le Fléau, où est-ce que tu le places, toi? Le Fléau. Alors, ça, c'est peut-être injuste, encore une fois, pour Les Enfants du Maïs, parce que ça ne reste qu'une nouvelle, mais du coup, c'est pas énormément développé. Objectivement, j'ai peut-être passé un meilleur moment en lisant Les Enfants du Maïs, mais c'est qu'une centaine de pages, un peu moins. C'est une trentaine même, Les Enfants du Maïs. Ouais, non, c'est vrai, c'est qu'une trentaine de pages. Mais, ouais, non, pour moi, ça va entre Carrie et Les Enfants du Maïs. Parce que Les Enfants du Maïs, c'est pas tellement développé que ça, que Le Fléau, ça reste... Il faut quand même remettre les choses en perspective, ça reste quand même un vrai travail d'auteur qui crée quand même des personnages très intéressants sur la durée. Et même, il y a quand même des chouettes moments, et puis il y a des personnages qui rattrapent vraiment le tout. Donc pour moi, ça va quand même en dessous de Carrie, mais avant Les Enfants du Maïs. Bah, je suis d'accord, j'ai eu la même réflexion que toi. Je me suis dit aussi que, objectivement, j'avais passé un meilleur moment devant Les Enfants du Maïs, mais que Le Fléau avait le mérite de son ambition, avait le mérite de quand même quelques très très belles scènes, globalement de 600 premières pages qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc oui, même place, en dessous de Carrie, mais... pas pour les mêmes raisons que Les Enfants du Maïs. C'est pas les mêmes raisons qui provoquent, pour moi, l'incapacité du Fléau et des Enfants du Maïs à lutter avec le reste. C'est ça. On est donc encore d'accord. Il serait peut-être temps maintenant de faire le classement film. Alors, pour l'instant, le classement des films, c'est Carrie de Brian De Palma en tête, suivi par Cimetière de Marie Lambert, par Salem de Michael Salomon, par La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, puis en cinquième position, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher. Alors ? Et là, j'ai hésité, et j'hésite encore. Donc, je te laisse dire en premier tes arguments, parce que ça va peut-être m'influencer. Ah, c'est à moi de... Alors... Pour moi, très clairement, ça va à une des deux dernières places. Ouais, c'est ça. C'est soit avant Les Démons du Maïs, soit après. Ouais. Parce que quoi qu'il en soit, même si La Tour Sombre, c'est très mauvais, ça a des qualités largement supérieures. La plus grosse étant que c'est court. Déjà, c'est plus court. Non, mais déjà, c'est plus court. Et puis déjà, il y a Idriss Elba. Donc, oui. Il n'y a pas débat. Ah, et puis, il y a les effets spéciaux qui fonctionnent quand même dans la tour sombre. Ça, alors, c'est qu'une question de pognon, mais bon, voilà. Et puis même, il y a quand même un meilleur travail sur l'image. Voilà, c'est quand même, ça a quand même plus de gueule, la tour sombre. Maintenant, les démons du maïs ou le fléau? Parce que les démons du maïs, ça dure qu'une heure et demie. Ouais, le fléau, c'est fois 4. Honnêtement, je pense que ça... Mais en même temps... Très sincèrement, je trouve pas la réalisation de Mingaris beaucoup plus intéressante que celle de Borcher. Bah ouais, en même temps, il y a vraiment rien à sauver non plus dans les démons du maïs, quoi. Ouais. J'ai envie de dire en dessous, parce que du coup, ce qui va jouer, pour moi, ça va être le message qui me gêne. Et ça va être le fait que, bah oui, ça dure 6 heures, donc ça a beaucoup plus usé ma patience. Donc moi, j'ai envie de le mettre en dessous. Et puis même, c'est peut-être un peu injuste, mais... Même s'il y a des grands, des acteurs confirmés dans le fléau, bah, ils ont été mal dirigés, donc ils jouent tous comme des pieds, quoi, quasiment. Ouais. Tandis que dans les démons du maïs, ils jouent comme des pieds, mais c'est pas des acteurs confirmés, donc ça passe mieux. Voilà. Et puis, est-ce que les démons du maïs ne mériteraient pas d'être classés avant le fléau, juste pour cette magnifique scène où l'enfant balance son couteau depuis toi ? Allez, pour le lancer de couteau. Pour le lancer de couteau, on garde les enfants du maïs 5e position et le fléau prend la 6e place en bon dernier. Et donc, on est en opposition par rapport à pas mal de monde, parce que pour l'instant, le fléau est le dernier de nos classements dans les films, l'avant-dernier de nos classements dans les livres, et à mon avis, il va toujours rester assez bas, quoi. Et du coup, c'est également le premier ouvrage textuel où on émet beaucoup de réserves. Ouais. Parce que pour l'instant, tous les autres, on les apprécie. Oui, encore une fois, la place des démons du maïs, des enfants du maïs dans le classement livre, c'est dû à son statut de nouvelle qui fait qu'il n'y a pas de développement de personnage. Mais oui, clairement, c'est un des kings qui, moi, me pose problème en tant que texte. Donc, nous en avons fini avec le fléau et nous allons maintenant procéder au tirage au sort des deux prochains films dont nous parlerons. Ah bah, c'était bien. C'est rare, n'est-ce pas? Ah bah, il a fait tomber la moitié par terre. Ah, ce magnifique chapeau. Je le prends. Qu'as-tu tiré? Chambre 1408 de Michael Astrom. Ah, nous allons parler d'un bon film. Et d'une plutôt bonne nouvelle aussi. Oui. Alors, attends, je vais aller dans le fond. Tiens, viens ici, toi. Couple modèle de Peter Haskin, adapté de Un bon ménage. Nous avons donc tiré deux nouvelles. Oui. Donc, dans deux semaines, Chambre 1408. Dans un mois, Un bon mariage. Nous vous disons... A bientôt, merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. À @ au gré des bulles pour moi-même et @ cinéma archiviste pour Issam. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord. Oui, on vous mettra le lien dans la description. On vous mettra tous les liens dans la description. Vous pouvez également nous retrouver dans Casse sur table, podcast où nous abordons les actualités, enfin les sorties comics, manga, bande dessinée. Et dans La Guerre des Clapes, un podcast consacré au cinéma. Qui revient. Et normalement, au moment où cet épisode sortira, le premier épisode de la saison 3 sera sorti, et il sera consacré à Ghost Story. Et vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne L'Archiviste du cinéma, je parle principalement de cinéma asiatique, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de sortie, mais n'hésitez pas à aller y passer, ça me fera plaisir. En attendant, n'oubliez pas que le Vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. A plus. Salut.